Bienvenue dans votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginan et je serai avec vous pour la prochaine heure et demie sur les ondes de Choc FM, la radio alternative à Montréal et dans le monde. Alors, chers amis, cette semaine, un programme assez chargé, comme à l'habitude. On ne se laisse pas de répit à part pour le temps des fêtes. Alors, on va aborder une multitude de sujets cette semaine. On va traiter d'actualité dans le cas d'Haïti. On va parler de l'Irak, Corée du Nord. On va parler de Wikipédia, TSA. On va parler des attaques terroristes qui ont eu à Stockholm. On va parler aussi du sommet du réchauffement climatique le refroidissement climatique planétaire. On va parler de WikiLeaks, d'autres révélations choc cette semaine à ce sujet-là. On va parler, comme je disais, d'actualité. Et on va aussi toucher finalement à l'économie et aussi au dossier d'Israël et les influences. Alors, voilà, donc, une émission très chargée. Et puis, ça va être la dernière avant le temps des fêtes, mes amis. Nous allons nous quitter à partir de cette émission-ci. Alors, ça va être la dernière avant la saison des fêtes. Alors, on va prendre une pause ici de 3 semaines à la station. La station sera fermée. Donc, on va se retrouver à partir de la semaine du 9 janvier. Alors, ça va nous mener à l'année prochaine, quoi. Donc, on va se retrouver en 2011 et puis ça va se trouver à être, attendez un petit peu que je regarde ça, ça va être le 13 janvier. Alors, voilà. Donc, ça va être ça le programme pour cette semaine. Alors, on va y aller. Écoutez, sans plus tarder, étant donné qu'on a énormément de travail et de trucs, de nouvelles à vous amener. Alors, beaucoup de trucs sur la table. Alors, on va aborder tout de suite quelques nouvelles importantes au niveau de l'Haïti. Vous savez, on a parlé il y a quelques semaines ici sur l'émission de cette épidémie de choléra qui est en train de se propager sur l'île d'Haïti. Et puis, nous avions, au moment où on avait parlé de ça dans le passé, parlé des indices qu'on avait qui montraient que finalement cette épidémie de choléra était causée par les fameux casques bleus de l'ONU, en particulier ceux qui venaient de la région népalaise. Alors, on avait à ce moment-là, écoutez, on a des rapports maintenant qui ont été remis. Vous avez même un épidémiologiste Renaud Pierroux qui a conduit une recherche en Haïti pour le gouvernement haïtien et français. Et on a trouvé que cette épidémie de choléra qui a tué jusqu'à date plus de 2120 personnes et qui a causé plus de 100 000 cas de choléra sur l'île jusqu'en ce moment, on a trouvé dans ce rapport-là que finalement exactement la source de cette épidémie était en fait, provenait de la base népalaise des fameux casques bleus qui proviennent de cette place. Alors on a eu des problèmes là-bas avec les toilettes qui avaient été contaminées. Qui avait contaminé bon la rivière qu'on appelle Artibonite là-bas et puis ben, écoutez ça a même été rapporté par Associated Press on se demande encore là comment ça se fait que ces trucs-là peuvent se passer réellement? Est-ce qu'on ne teste pas ces gens-là avant de se rendre en Haïti? Alors on prétend pouvoir les aider, vouloir les aider, et puis finalement, ben, on amène des maladies. C'est assez étrange aussi. C'est tout le temps une question de coïncidence, hein? Les gens vont dire bien souvent on se fait accuser hein, de théoriciens de la conspiration. Puis, ben, écoutez, c'est parce que les gens, des fois, ils refusent tout simplement de considérer. De réfléchir à certaines coïncidences. Vous savez, il y a tout le temps des coïncidences étranges, des hasards entre parenthèses. Et c'est assez spécial de voir que cette épidémie a commencé à se propager au moment même où on commençait à parler en Haïti du manque de l'aide qui avait été promise pour remonter l'infrastructure haïtienne. Alors, on commençait à se poser des questions en Haïti, puis on demandait finalement aux autorités où était passé cet argent-là. On a donné des centaines de millions d'argent pour les Haïtiens et puis ça s'est jamais rendu. En fait, seulement qu'une petite fraction. Alors, au moment même où ces questions-là commençaient à ressurgir, whoop, on a eu un cas d'épidémie de choléra. Alors, pensez bien ce que vous voulez. Peut-être pas relié du tout. Des fois, c'est peut-être seulement qu'une coïncidence. J'imagine. On va dire que c'est seulement qu'une coïncidence, mais c'est quand même intéressant à noter. Il y aurait peut-être un certain nombre de pays, incluant les États-Unis, qui trouvent que ce serait dans leurs meilleurs intérêts hein, de garder les Haïtiens, je dirais, dans un état de pauvreté perpétuelle. Okay, alors, Haïti sert certains intérêts, intérêts corporatistes, géostratégiques aussi, et puis on a besoin de garder cette île-là dans la misère. J'ai quelques nouvelles à votre disposition par rapport à ça. Alors, allez voir ça, le choléra qui est en train de dévaster Haïti, qui est en train même de muter, okay, alors qui le rend encore plus intense. Alors, on dit ici muter. Pour le rendre plus, pour qui le rend encore plus intense, OK, et qui pourrait se propager encore davantage à cause de ça. Ça aussi, c'était révélé par des chercheurs américains. Alors, c'est assez spécial. Haïti qui n'avait aucun problème jusqu'au moment où ils commençaient à poser des questions à propos de tout cet argent qui a été collecté pour eux et qui ne s'est jamais rendu. Et puis, boum, soudainement, le choléra se pointe le nez, hein? Et puis, ça a été blâmé sur le dos d'un soldat américain. Et après ça, sur les troupes népalaises, et puis après ça, on a trouvé que ce virus-là, ce choléra, avait muté, OK? Alors, en faisant une épidémie qui est plus létale et contagieuse. Alors, quand même, hein, c'est des choses qui sont à considérer. Alors, les Nations Unies qui vous disent « Allô, nous sommes là pour vous aider », ça, c'est le sujet d'un autre article qu'on vous présente. C'est la deuxième étude qui trace le choléra à une source sud-asiatique. Alors, d'autres nouvelles qui parlent de ça, ça a été publié par AP. Alors, quand même, 2000 personnes qui sont mortes en Haïti. En Irak, vous avez un ancien général qui a réellement laissé s'échapper une bombe, c'est-à-dire une bombe médiatique, où on a appris que le monsieur a révélé que on tuait. Hein, qu'on était même disposé, qu'on était volontairement disposé à tuer des soldats américains pour partir la guerre en Irak. Alors ça a été révélé sur le show de Jon Stewart aux États-Unis. Monsieur Stewart qui a répondu à ça, que it's shocking. Alors c'est vraiment choquant. Évidemment que ça l'est. Et puis ça vient de la bouche d'un général de l'armée américaine à la retraite qui s'appelle Hugh Shelton. Okay? Alors imaginez, il a décrit qu'un membre du cabinet de l'administration Clinton était disposé à tuer un pilote américain ou des pilotes américains pour provoquer une guerre avec Saddam Hussein en Irak. Alors lui, il a déclaré que en 1997, on avait des pilotes de l'air américaine qui volaient au-dessus de l'Irak, au-dessus du territoire irakien à chaque jour, et qui faisaient face à des tirs d'artillerie qui provenaient du sol irakien, donc des forces irakiennes. Alors, un aide de Clinton est alors en arrivé à une idée, apparemment un plan intelligent selon lui, et qui était de faire voler un de leurs avions et à basse altitude pour donner l'idée à Saddam Hussein de le descendre, okay, par tir d'artillerie, puis d'utiliser ça comme étant une excuse pour attaquer l'Irak. Alors imaginez, c'est assez hallucinant. Le monsieur général, lui, qui disait qu'évidemment qu'il était extrêmement colérique et qui a répliqué à ce sans dessein-là de l'administration Clinton, que dès qu'il était pour avoir la permission de le faire voler dans un avion, de le faire piloter un avion, qu'il l'enverrait sur le champ. Alors, très bonne réponse. Réellement, là, c'est quand même assez spécial. Alors, vous avez dans un livre, d'ailleurs, que ce monsieur-là a écrit, que la guerre en 2003, qui a été commencée par l'administration Bush, a été basée sur une série de mensonges. Alors évidemment, ça, c'est de quoi qu'on savait depuis plusieurs années et dont on parle ici sur l'émission de façon régulière, disons. Alors ça, c'est quand même assez spécial. Aussi, on considère que cette guerre-là est un fiasco qui a coûté jusqu'à date au-dessus de, écoutez le chiffre, là, on est rendu à 740 milliards de dollars, plus les coûts cumulatifs. On parle d'une guerre ici là, qui va coûter entre 2 et 3 trillions de dollars et qui a causé la mort de, officiellement, là, entre parenthèses, officiellement, de 4 400 soldats américains et qui en a blessé, qui en a laissé blessés, amputés à vie, traumatisés à vie. On parle de 31 000 soldats seulement de blessés physiquement, OK? Alors ça, c'est les chiffres officiels. Vous pouvez vous attendre évidemment à ce que les chiffres soient extrêmement plus élevés que ça. On s'est officiellement retiré de cette guerre-là. On a déclaré, même M. Barack Obama, on a fait toute une pièce de théâtre avec ça, hein, pour déclarer la fin des opérations de combat en Irak. Et on a dit que nos troupes se retiraient des rues, qu'on avait remis le contrôle aux troupes irakiennes. Et puis, comme je vous avais averti, eh bien, on continue les opérations de combat. On a appris dans une nouvelle cette semaine que des avions de guerre américains ont bombardé le centre de l'Irak. Alors, ça a été révélé cette semaine. Ça vient aussi de sources de sécurité irakiennes qui ont déclaré lundi dernier que les avions américains de l'armée ont bombardé des emplacements. Alors, dans le nord de la capitale provinciale de Hilla, Aswat al-Air Irak. Alors, ça a été rapporté par cette agence-là qui s'appelle Aswat al-Irak. Ça, c'est dans la capitale, la ville de la capitale de Hilla. Alors, allez voir ça, des nouvelles très intéressantes. Maliki qui veut que les troupes étrangères quittent l'Irak. Alors, on demande à ce que ces troupes-là quittent. On a une nouvelle ici qui parle du cancer chez les enfants qui est en train d'atteindre des sommets à Basra. Alors, on a utilisé des armes à un uranium appauvri. Vous le savez, ça a été reporté d'ailleurs par les États-Unis et l'Angleterre qu'on a utilisé plus de 2 000 tonnes d'uranium appauvri dans cette guerre irakienne. C'est complètement débile. Vous savez que l'uranium appauvri est radioactif. On a même un rapport qui a été publié qui indique que les cancers et les autres maladies dans la ville irakienne de Fallujah sont de façon significativement plus élevées que ceux chez les survivants de la bombe à Hiroshima et Nagasaki en 1945. Imaginez, hein? On a même une enquête qui a montré, une enquête là sur 5 ans, okay, qui a suivi les attaques en 2004 par les forces américaines. On a trouvé des taux de cancer qui ont augmenté de 4 fois. Okay? Alors, des types de cancers qui sont similaires à ceux qu'on a trouvés après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki chez les survivants qui ont été exposés aux retombées nucléaires. Alors, c'est assez incroyable. Hein? Il apparaît que le cancer est un sous-produit des guerres du 21e siècle, hein, des guerres américaines. Alors, voilà. Corée du Nord, la Corée du Sud, qui a déclaré cette semaine qu'ils vont prendre des actions militaires contre la Corée du Nord. Ça a été prédit par un ancien directeur des services du renseignement américain. Alors, on a révélé que On commence sérieusement à parler là, d'action militaire pour attaquer le Nord. On dit que la Corée du Sud a perdu sa patience avec les provocations, en parenthèse encore là, de la Corée du Nord, alors que ça a été admis publiquement que c'est la Corée du Sud qui a ouvert le feu en premier, qui a provoqué la Corée du Nord en premier. Et là, on menace de prendre des actions militaires. Alors ça aussi, là, c'est assez préoccupant de voir ce qui se passe avec ça. Évidemment que la Corée du Nord pourrait probablement perdre contre la Corée du Sud. Par contre, il ne faudrait peut-être pas oublier que la Corée du Nord possède une bombe nucléaire, même menacée cette semaine de s'en servir dans un potentiel conflit entre les deux. N'oubliez pas aussi que la Corée du Nord est un État client de la Chine, alors que la Corée du Sud est un État client des États-Unis. Alors, voyez un peu là, ce que ça implique. Vous devez comprendre aussi qu'à cause des traités qui sont en place, des traités de défense entre ces différents acteurs, qu'un potentiel conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud pourrait inévitablement, peut-être même, mener à un conflit militaire entre les États-Unis et la Chine, alors qu'on comprend que ces deux pays-là sont évidemment armés avec la bombe nucléaire. D'accord? Alors, voyez un peu le prospect qui se dessine à l'horizon. C'est vraiment fantastique en ce temps des fêtes. Le Japon qui a décidé de déployer des intercepteurs de missiles à travers la nation au complet par rapport à la supposée menace nord-coréenne. Okay? Donc, ça vient du gouvernement japonais. Alors, on veut déployer des Patriot Advanced Capability No. 3, des intercepteurs de missiles. Alors, on va les déployer sur une quantité de bases aériennes à travers le Japon. Alors, ça aussi, là, vous voyez que même si ça prend un certain temps à déployer, il est assez évident que le Japon croit qu'il va y avoir un certain conflit militaire sur la péninsule coréenne dans un futur pas très distant. Alors, des signes qui sont quand même assez importants, dont il faut prendre note. Ensuite, vous avez la Corée du Nord qui a tenu des exercices militaires qu'on dit qui déstabilisent la région. Ça vient des États-Unis, ça a été rapporté par le Guardian. On dit que la Corée du Nord a tiré de l'artillerie dans les eaux maritimes qui sont à la frontière de la Corée du Sud. Alors, ça aussi, c'est assez spécial. Si on essaie de comprendre, c'est qu'on dit que les Coréens du Nord, l'armée de la Corée du Nord, qui tiennent des exercices militaires, déstabilisent la région, alors que, comprenez bien, essayez de comprendre le principe, là, c'est-à-dire, on est en train de les accuser de déstabiliser la région, alors que vous avez eu le plus grand entraînement, le plus grand, si vous voulez, les drills militaires, OK, la plus grande drill militaire de l'histoire, OK, entre les États-Unis et le Japon, et une quantité de drills militaires qui s'est tenue aussi entre l'armée américaine et la Corée du Sud. Mais on dit que c'est la Corée du Nord qui déstabilise la région, bien sûr. D'accord. Ça implique la Russie aussi. Pourquoi? Ben, écoutez, évidemment que les Russes, ils sont pas loin de là. C'est proche de leur territoire. Les Russes n'aiment pas ce qui se passe là. Vous avez d'ailleurs deux avions militaires russes qui ont interrompu les drills militaires entre les Japonais, avec les Japonais et les Américains, qui se déroulaient dans la mer du Japon. Okay? Alors, vous avez deux avions qu'on appelle des Russian Il 38, qui sont des avions qui sont designés pour abattre des sous-marins qui ont volé dans cette région. Okay? Alors, voyez là que là, on commence aussi à voir la Russie qui envoie des signaux pas très subtils, assez évidents là même, qu'il désire ne pas voir, en fait, qu'il aimerait voir les tensions en ce moment qui se déroulent sur la péninsule coréenne se calmer, OK, plutôt que de les exacerber. Alors, allez voir ça, vous avez des nouvelles, ça a été même rapporté par BBC, des avions militaires russes qui ont interrompu les exercices militaires japonais et américains dans la région. Alors, ça aussi, là, c'est de quoi d'assez particulier, là, OK? Des drills militaires qu'on a appelés Keen Sword, qui ont aussi marqué le 50e anniversaire de l'alliance japonaise et américaine, l'alliance militaire. Alors, allez voir ça, des nouvelles. ABC News qui en a parlé aussi. Ensuite, vous avez la Corée du Nord qui disent qu'on a la bombe nucléaire pour se défendre. Alors, dans le cas d'une attaque, alors, on commence à parler de bombe nucléaire. Alors, c'est évident aussi que la Corée du Nord a pris note, hein, de ce qui s'est passé avec les pays qui ne possèdent pas la bombe nucléaire comme un élément dissuasif, comme ça a été le cas en Irak. Alors, quand on a un pays qui a un appareil militaire faible, eh bien, on n'hésite pas à les envahir et puis à les écraser. C'est évidemment ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan. L'armée de la Corée du Nord qui s'est dit prête pour une guerre pleinement déclarée. Alors, allez voir ça aussi, là, un tas de nouvelles. La TSA, ben écoutez, brièvement, ce qui se passe, c'est les fameux, la TSA, c'est quoi, là, vous savez, ça fait une couple de semaines, j'en parle ici sur l'émission, les mesures de sécurité dans les aéroports américains, ça continue de brasser. Là, vous avez un contentieux entre l'ambassade de l'Inde et puis les États-Unis. Pourquoi? Ben parce que là, on n'agresse pas seulement que les passagers normaux, les gens comme vous et moi, mais on commet aussi des actes d'humiliation envers des officiels, des ambassadeurs indiens qui se sont rendus aux États-Unis. Alors, imaginez, c'est assez incroyable. On a fait une fouille corporelle du monsieur. C'est assez incroyable, je veux dire. On les a humiliés encore, OK? Alors, c'est à peu près la façon de procéder partout dans les aéroports. Imaginez. Alors là, écoute, on s'en prend même aux ambassadeurs, c'est pour vous dire, là, je dis, tout le monde y passe. C'est une histoire absolument incroyable. C'est à se demander même si les animaux n'ont pas plus de droits que les Américains, même ceux qui se rendent aux États-Unis via les voies aériennes, OK? Donc, réellement, là, à tous ceux qui pensent diriger vers les États-Unis, vous êtes peut-être mieux de repenser à vos plans, là. Je veux dire, si vous avez la possibilité de rester à la maison, d'aller dans un autre pays, c'est peut-être la meilleure chose à faire en ce moment si vous n'avez pas le goût de vous faire carrément humilier, de vous faire violer vos droits à la vie privée, vos droits humains, réellement, là. Il n'y a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens, réellement, là. Ça n'a aucun bon sens. On fouille n'importe qui de façon complètement débile. On a demandé à cette personne-là d'enlever son turban. On va dire, on les insulte réellement. C'est des choses là, complètement débiles. Là, je veux dire, allez voir ça, là, tout simplement rester à la maison. Et puis, ces mesures-là, ça nous concerne tous. Pourquoi? Je veux dire, particulièrement ici au Canada, là, on se dit, ah, c'est aux États-Unis. Ben, faites attention, c'est en train de se propager aussi dans les aéroports canadiens, OK? Et puis là, on a un article ici très intéressant. On parlait bien souvent de l'Union nord-américaine ici sur l'émission l'année passée ou il y a 2 ans. Ça faisait un certain moment là, que j'en ai pas parlé. Ça tient encore. Les plans devaient se mettre en implémentation. On est en train de tout arranger ça en 2005 et 2010. Et officiellement, c'était la fin, la mise en place là, en 2010 de cette Union nord-américaine-là. Alors, on l'a passé de façon un peu cachée là, par la bande, hein, mais on est en train toujours de travailler sur ce truc-là. Et puis là, écoutez, on est en train d'atteindre des sommets. Là, on se dirige réellement vers un périmètre de sécurité nord-américain, ce qui veut dire qu'il va falloir harmoniser nos mesures de sécurité dans les aéroports et un peu partout avec ce qui se passe aux États-Unis. Alors là, réellement, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que, disons que les États-Unis, ce n'est pas un exemple en ce moment, c'est plutôt un exemple de tyrannie, comment qu'une tyrannie s'installe. Et là, réellement, on est en train de vous dire qu'on va fusionner avec ça. Alors, un article très intéressant et très important à aller voir. On est en train de négocier des accords de sécurité qui pourraient être signés aussitôt qu'au début janvier 2011. Et puis, dans les accords proposés, on vise à établir un périmètre de sécurité qui pourrait signifier, apparemment, selon eux, là, un Nord-Américain. Une Amérique du Nord plus sécuritaire et pour aussi, on dit, stimuler les échanges commerciaux. Alors, on parle encore ici du fameux partenariat pour la prospérité, la sécurité, le PPS, qui est en fait en marche, qui est poussé, qui est animé, je dirais, qui est réellement là, par et pour le secteur privé corporatif, OK? Vous devez comprendre là, que c'est des organisations, des chefs d'entreprise canadiennes qui se trouvent derrière ça, et américaines et mexicaines. C'est complètement mené et géré, si vous voulez, poussé par et pour le secteur privé, autant financier, bancaire que corporatif. Et puis, ces gens-là, évidemment, là, si vous n'êtes pas encore éveillé à ce fait-là, Il est temps que vous arriviez en ville, là, disons que ces gens-là n'ont pas à cœur vos intérêts. Okay? Je veux dire, si on a besoin de vous expliquer ça en 2010, là, vous êtes peut-être aussi bien de retourner devant la TV, d'oublier tout ça, puis de vous caler quelques bouteilles de vin, d'oublier tout ça. Okay? Vous avez bien entendu, tout va bien, la vie est belle. Hein? Assez troublant, merci. Pendant ce temps-là, pendant qu'on vous fouille, qu'on vous pogne le sac, on fouille les seins, on fait des fouilles corporelles, puis après on prend des photos pornographiques de vous, de toute votre famille, joyeusement, dans les aéroports américains, on apprend dans une autre nouvelle que la FAA, qui est la Federal Aviation Administration, qui est celle qui gère tout l'espace aérien américain, que la FAA perd de traces, on perd de vue. Plus de 119 000 avions. On perd de vue. Pourquoi? C'est à cause des documents qui font défaut ou des avions qui changent de nom ou quoi que ce soit. Alors finalement, la paperasse de tous les appareils aériens aux États-Unis n'est pas vraiment une science exacte et on perd trace comme ça de plus de 119 000 avions. Alors que vous, on fouille le sac, on fouille tout le corps, hein, on vous met le doigt dans le derrière et tout le kit. Et puis, on importe des containers pendant ce temps-là qui ne sont même pas scannés. On perd la trace de des avions. Hein. N'est-ce pas assez incroyable? Je veux dire. Alors, allez voir ça. C'est une autre nouvelle assez choc. La TSA qui a refusé de rendre public des rapports d'inspection à propos des machines à rayon X et de leur innocuité sur la santé. Alors, c'est peut-être qu'on a des choses à cacher. Alors, on a fait des enquêtes dans les aéroports à propos de la sécurité de ces avions-là. On a trouvé dans certains rapports que la radiation qui est émise par ces machines, ces fameux scanners corporels, sont parfois plus élevées que ce qu'on pense, mettant les voyageurs et les travailleurs à très sérieux risques. Et vous avez la TSA aux États-Unis qui insiste que ces machines-là sont sécuritaires, qu'elles ne portent aucun danger à la santé. Et l'agence refuse de rendre publiques toutes ces inspections sur l'innocuité qui a été compilée dans ces rapports-là, de rendre ça public. Alors, c'est assez particulier, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez la TSA. Dans une nouvelle, on apprend que des insiders ont déclaré que ces machines-là, en plus, avaient une très pauvre détection. Alors, ça vient d'une enquête spéciale de Counterpunch. Et vous avez des scientifiques associés avec un manufacturier de scanners corporels qui s'appelle Ronald G. Hughes, qui a soumis un document pour un brevet, finalement, à la US Patent and Trademark Office pour différentes machines qui sont impliquées, si vous voulez, là, dans si vous voulez, les scanners là, dans les aéroports, le scannage des passagers. Et on a appris dans ces documents-là, dans des détails qui ont été révélés par M. Hughes, qu'il y avait des très sérieuses failles dans l'équipement de scanners à rayon X des corps, incluant un manque, si vous voulez, là, un grand manque là, si vous voulez, écoutez, là, on ne peut pas se fier à ces machines-là, de fiabilité, bon, je viens de trouver le mot, pour détecter des explosifs plastiques ou de céramique. Alors, ces machines-là ne sont même pas finalement fiables. Donc, voilà. Et puis, poursuivons un peu là, dans ce thème-là. Ben, je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles. On a eu une fameuse attaque terroriste à Stockholm cette semaine. Alors, ça aussi, c'est un autre cas de coïncidence, hein, les fameuses coïncidences. C'est tellement incroyable. Stockholm avait été la place où on avait connu, je dirais, le plus de démonstrations de masse. Okay. Il y a eu énormément de démonstrations massives à Stockholm contre les atrocités qui ont été commises par Israël, particulièrement contre ce qui s'est passé, les meurtres hein, de 9 personnes sur la flottille de la Liberté en eau internationale qui se dirigeait pour apporter de l'aide humanitaire, qui se dirigeait vers la bande de Gaza. Alors, pensez à ça 2 secondes, méchante coïncidence. Alors, vous avez une ville en Europe où on a particulièrement eu beaucoup de démonstrations qui s'opposaient aux actions d'Israël par rapport à ce qui s'était passé dans le dossier de l'attaque de la flottille de la liberté d'aide humanitaire en eau internationale, disons-le. On a eu des exécutions sommaires selon même les rapports de l'ONU. Et là, vous vous imaginez, là, un arabe, un musulman qui irait se faire sauter particulièrement dans cette ville-là. Est-ce que ça fait du sens selon vous? Vous avez un maximum de sympathie dans cette ville-là, puis c'est là que vous allez commettre un acte de terrorisme. Bien sûr, ça c'est évidemment. C'est la meilleure façon comme ça de garder le soutien que la population vous porte. Voyons, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Alors, on parle encore ici d'un acte terroriste très suspect, qui a encore là tous les signes d'un coup monté par les services secrets israéliens, le Mossad, disons-le, qui n'en est pas à sa première, réellement, à fausse attaque terroriste. On a eu, dans quelques heures avant les explosions au cœur, centre-ville de Stockholm, quelqu'un qui faisait partie, qui fait partie de l'armée suédoise, qui a contacté un ami pour l'avertir de rester au loin, de ne pas fréquenter Queen Street, sur laquelle, la bombe, a explosé. Alors, vous savez, ça, c'est des informations de l'intérieur qui montrent encore une fois qu'il y avait des gens qui étaient au courant. Et puis, quand ça vient de sources comme l'armée, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose là, qui dépasse les fameux terroristes musulmans. Okay? Alors, vous avez différents liens à aller vérifier par rapport à ça. Vous savez, vous avez aussi des amis de la CIA et la CIA qui sont toujours très actifs en Suède. Suite à ces fameux réseaux Stay Behind, hein, les fameux réseaux des services secrets qui étaient demeurés après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a laissé en place, qui sont responsables de des opérations comme Gladio. Si vous ne connaissez pas Gladio, faites une petite recherche avec votre moteur de recherche Internet et apprenez sur ça, vous allez comprendre c'est quoi ces réseaux-là. Donc, il y a plusieurs trucs comme ça qui sont intéressants à découvrir. Dans une autre nouvelle, on apprend qu'un ami de celui qui s'est apparemment fait exploser a révélé dans les médias que cette personne-là, réellement, n'en avait rien à foutre de la politique ou même de la religion. On dit qu'il avait même une petite amie israélienne, en fait, qu'il avait plusieurs petites amies et qui, finalement, tirait beaucoup de plaisir dans la vie. Alors, vous voyez que le profil ne cadre pas très bien avec le type du terroriste musulman. Réellement, là, il y a quelque chose d'assez particulier. Ensuite, on a dit que l'Al-Qaïda aurait laissé un message sur un site internet qui s'appelle Al-Islam. Vous avez un blogueur qui est allé faire son tour là et on a révélé, on a trouvé sur ce site-là, qu'il n'y avait aucune mention, même aucune mention qui a été faite à propos de Stockholm, à quelque endroit que ce soit du site Internet. Par contre, on trouve plusieurs liens vers les crimes israéliens contre les Palestiniens. La dernière note a été laissée le 20 juillet 2009. Les quatre derniers blogs, les derniers posts qui ont été laissés parlaient de rabais et d'invitations à un barbecue, imaginez. Vous avez des liens qui parlent du fameux vidéo d'Alex Jones, là, de la Obama Deception. Alors, vous voyez que c'est pas très convaincant, OK, dans le cadre d'une supposée organisation terroriste globale qui peut supposément détourner des avions, qui peut réellement contourner les défenses super sophistiquées, les meilleures défenses au monde, au Pentagone, qui peut entraîner des pilotes, hein, pour faire s'écraser des avions dans des bâtiments. Alors, réellement, là, il y a quelque chose d'assez spécial à voir ça. Alors, allez voir ça. Et puis, le dernier dossier, disons, là, étrange, c'est le fameux dossier WikiLeaks. Aussi, c'est complètement incroyable. Les nouvelles qui sortent, c'est à vous tirer les cheveux. On a appris cette semaine, écoutez, ça vient du Télégraphe en Angleterre. Ça vient même pas d'un site de blogueur conspirationniste, là. Ça vient du Télégraphe où on apprend que le fameux Julian Assange a mangé et a discuté, a consommé des bons vins à l'ambassade américaine. Imaginez, ça fait à peu près un an, le fameux fondateur de WikiLeaks a officiellement participé à un cocktail party à l'ambassade américaine. N'est-ce pas assez incroyable? Un party qui a été lancé par le même diplomate qui était pour révéler les fameux secrets qui sont déversés à l'échelle de la planète en ce moment. Eh bien, dis donc, à la réception qui a été tenue à la résidence de l'ambassadeur américain à Reykjavik, en Islande, M. Assange a discuté avec Sam Watson, n'est-ce pas assez incroyable, avec les députés de l'ambassade. Alors, voilà qui est assez, pour le moins dire, étrange. OK? Ensuite, on a une nouvelle ici qui explique comment les globalistes utilisent, en fait, les agents des relations publiques des globalistes utilisent WikiLeaks comme un programme on appelle en anglais là, des psyops. Alors, c'est des opérations psychologiques. Alors, vous avez carrément là une section de l'armée qui se concentre à manipuler, à faire de la propagande, manipuler l'information. On sait que l'information, c'est le nerf de la guerre. Et là, c'est un article du très excellent Michel Chossudovski, qui est derrière le site de Global Research et Mondialisation.ca, que je vous invite fortement à aller visiter, des sites vraiment excellents pour trouver de l'information, et qui ont produit un article qui nous parle que justement, vous avez des déclarations assez révélatrices à propos de WikiLeaks qui ont été faites par le directeur du New York Times, basé à Washington, David Singer. Singer est un des reporters au New York Times qui a lu et qui a écrit à propos de différents mémos du département d'État qui ont été fuis par WikiLeaks. Okay, qui ont été relâchés, rendus publics par WikiLeaks. Cette personne-là a été aussi impliquée dans des meetings avec l'administration Obama et d'autres qui ont sélectionné, okay, et aussi choisi puis décidé d'obscurcir certaines parties de ces documents-là qui étaient pour être plus tard, pour être publiés. Alors imaginez qu'ils ont été impliqués dans des meetings avec l'administration Obama et d'autres qui ont sélectionné et aussi ont dit censurer ou biffer là, certaines parties de ces correspondances qui ont été plus tard publiées par le New York Times. Alors, ça veut dire que même l'administration Obama, d'une certaine façon, a été impliquée, a même choisi, a même participé à sélectionner certains passages qui étaient pour être révélés, qui étaient censés être des révélations embarrassantes pour le gouvernement, alors que le gouvernement a lui-même mis la main à la pâte. N'est-ce pas incroyable? Vous avez une vidéo ici qui parle d'un nouveau Patriot Act pour l'Internet. Alors, une vidéo très, très, très importante, je vous irai aller voir, qui montre que, résultant du truc de WikiLeaks, vous avez l'administration Obama qui pourrait introduire un projet de loi qui permettrait aux officiels du gouvernement d'espionner les Américains à travers l'Internet. Alors, ça aussi, là, c'est assez particulier. Vous devez aller voir ça. C'est sûr qu'on va se servir de ça pour donner beaucoup plus de pouvoir au gouvernement, pour implémenter une surveillance massive gouvernementale de nos ordinateurs personnels, de carrément s'introduire dans nos maisons, dans nos ordinateurs, surveiller nos téléphones, surveiller nos activités sur Internet. Alors, des articles absolument importants. Un autre ici qui parle du département de la justice qui se prépare à une expansion importante des lois antiterrorisme qui pourrait cibler les activistes. Alors, ça aussi, là, ça montre c'est un autre élément là, qui vient soutenir le fait que WikiLeaks, en réalité, donne une justification au gouvernement américain de venir sabrer dans l'Internet, de venir fermer des sites Internet qui ne font pas leur affaire, qui font dans la dissidence politique, des activistes pour la paix, des gens qui critiquent le gouvernement. Alors ça va donner une maudite bonne excuse au gouvernement. On va simplement appeler ces gens-là comme étant des collaborateurs de terroristes ou qui présentent une menace pour la sécurité nationale. Et puis, zap, on va fermer leur site. On va peut-être même tout simplement traîner en cour ou enfermer les gens qui mènent ces blogs-là. Alors, ça aussi, là, c'est une autre nouvelle complètement ahurissante. Bon, écoutez, là, des nouvelles comme ça, il y en a énormément. La CIA qui run, qui tient des sites miroirs de WikiLeaks. Alors, ça aussi, ça a été révélé par des gens sur Internet. Alors, allez voir ça. On a les informations ici, allez vérifier pour vous. Assange aussi qui a vu ses accuseurs, hein, ses fameux accuseurs sexuels, parce que là, lui est arrêté pour supposément avoir commis des délits sexuels contre deux femmes. Une de ceux-là s'est enfuie au Moyen-Orient et a décidé de ne plus coopérer avec la police. Alors, une des deux femmes suédoises qui a rempli une plainte officielle contre le fondateur de WikiLeaks, elle est partie, elle a pris ses clics, ses claques, ses bagages, elle s'est poussée. Alors, c'est assez incroyable de voir ça. Alors, n'est-ce pas assez particulier encore là, vous voyez un paquet de nouvelles comme ça qui vient réellement mettre toute cette histoire-là en doute. Vous avez une autre ici, une nouvelle qui vient du Guardian et qui parle encore du département de la défense américain qui ont donné leur aval à la publication de documents que WikiLeaks a rendus publics. Alors, n'est-ce pas incroyable, ça aussi, là, écoutez, ça vient du Guardian, OK? Alors, si on perd nos libertés sur Internet, ben, ça risque d'être à cause de WikiLeaks. Et puis, vous avez un article ici qui vous explique peut-être pourquoi. Et puis, vous devez peut-être savoir comment ça va se passer. Alors, si ça arrive au moins, ben, écoutez, vous allez avoir été averti, hein? Donc, c'est beaucoup de trucs à aller considérer. On a appris aussi de différentes sources que Israël a fait un deal avec WikiLeaks. On a payé Julian Assange pour ne pas publier des documents, des informations qui seraient embarrassantes pour Israël. Alors, ça aussi, c'est assez incroyable. Assange qui se retrouve, on dirait, à la tête d'un racket d'extorsion d'argent. Hein? Donc, on menace les gens de révéler l'information contre en échange d'enveloppes brunes. Alors, écoutez, allez voir ça. Il y en a une série, là. Je veux dire, c'est assez capoté. Israël qui apparaît seulement dans 77 des 20 000 documents qui ont été rendus publics par WikiLeaks. Ça vient de Press TV, hein, pour vous dire. Une vidéo aussi qui parle que le WikiLeaks est une opération du Mossad. À vous de juger. Allez voir ça. Ça vient de Gordon Duff, qui est un vétéran américain de l'armée. Donc, on part en pause musicale. On se retrouve après la pause pour un bref aperçu de ce qui se passe dans l'économie, refroidissement climatique. Retour à l'autre monde, chers auditeurs, François Marginot au micro. Alors, on va y aller maintenant avec économie et refroidissement climatique. Il n'y a pas vraiment le choix d'en parler, ça brasse beaucoup. Le sommet qui s'appelle COP16, qui s'est tenu à Cancun, au Mexique, à propos des changements climatiques, est un flop total. Encore une fois, il faut faire face à la réalité. C'est un crash total. On n'a pas réussi à négocier quoi que ce soit. On s'est entendu sur à peine un paragraphe. Pour eux autres, réellement, là, c'est un autre échec, surtout à la suite de ce qui s'est passé à Copenhague l'année passée. Ça semble être un exercice qui est en train de mourir. Écoutez, c'est aussi assez ironique. On se demande des fois s'il n'y a pas un dieu ironique, là, réellement un dieu qui rit d'eux autres. Là, c'est complètement débile de voir ça. Ces gens-là parlent de réchauffement climatique. En réalité, ils sont tellement gênés de parler de réchauffement climatique que là, ils ont changé la terminologie. Là, eux autres, là, ils parlent plus de réchauffement climatique. C'est ben trop gênant, alors que la planète s'est refroidie les 10 dernières années selon toutes les données satellites disponibles par rapport au climat. Alors, ces gens-là discutent du réchauffement climatique. L'an passé à Copenhague, alors que Copenhague a été frappé par une vague de froid sans commun, a été enterré sous des tempêtes de neige. Disons que c'est assez embarrassant quand on parle de réchauffement climatique, qu'on se retrouve en dessous de plusieurs dizaines de centimètres de neige. Alors, les gens ont, hein, les réchauffistes ont décidé de se réunir cette année. À Cancun, au Mexique, alors ils se sont dit, ben écoutez, là au moins on ne sera pas prendre par la neige, on n'aura pas l'air d'idiots, d'imbéciles, hein? Et puis, ironie du sort, alors que ces gens-là se réunissent à Cancun cette année, on a des nouvelles, vous allez voir, je vais tout mettre ça en ligne, là, des records de froid et de tempêtes de neige aux États-Unis, le Metrodome, c'est un stade, ça, dans le sud des États-Unis, s'est écroulé. sous le poids de la neige, vous avez en Floride des froids sévères. On va même utiliser des hélicoptères pour essayer de pousser l'air chaud plus vers le bas pour essayer de protéger les cultures qui risquent de simplement geler et d'être détruites par le froid. La moitié des États-Unis sont couverts par la neige. Okay? À l'heure actuelle, on a eu des tempêtes de neige incroyable dans le nord des États-Unis jusque dans le Midwest et incluant le Canada, particulièrement sur la côte ouest où on a connu des tempêtes de neige importantes, des chutes de neige allant jusqu'à 1,5 m dans la région de l'Ontario. Alors, pensez à ça 2 secondes. Réchauffement climatique, mon œil, quand on a un refroidissement climatique, ça apporte un climat beaucoup plus humide, beaucoup plus de précipitations, et on en est témoin partout à travers le monde avec les inondations, les précipitations records. Vous avez vu ça là, tout au courant de l'année. Ça se poursuit aussi dans les climats plus froids, alors ça signifie plus de chutes de neige. Alors, il y en a comme ça à la tonne. Et Cancun, ironiquement, a connu aussi une vague de froid record. Vous avez les documents en lien. C'est assez incroyable. Je veux dire, écoutez, là, c'est des records de froid au mois de décembre qu'on a. C'est historique, là, OK? Des températures froides de historiques en Cancun, alors que ces clowns-là se réunissaient pour parler du réchauffement climatique causé par le CO2. Alors, vous avez les taux de CO2 qui ont continué d'augmenter dans l'air, alors que la température s'est globalement refroidie graduellement les 10 dernières années. N'est-ce pas absolument incroyable? Okay? Ces gens-là sont tellement décalqués de la réalité. Là, écoutez, là, ça boit de la tequila, hein, ça mange du caviar, ça couche dans les meilleures chambres d'hôtel d'un hôtel luxueux pendant qu'ils sont en train de plaider pour un transfert de la richesse des pays du Nord vers les pays du Sud, imposé via des taxes. Alors là, ils ont avoué dans différents. Via différentes sources, là, OK, différents canaux, on a avoué, là, grosso modo, que finalement, la taxation sur le CO2, ça ne servait pas à contrer les changements climatiques, mais c'était plutôt une façon de transférer la richesse vers les pays du Sud, OK, donc, et de lever des taxes qui vont être gérées par les financiers internationaux. Alors, c'est pas mal ça, c'est maintenant pas mal directement dans votre figure. C'est pas mal tout étalé, là, je veux dire. Vous avez même des scientifiques, des météorologues, même des anciens du GIEC qui sont sortis, qui disent, écoutez, cette histoire-là, ça n'a aucun bon sens. La science a été complètement politisée. On parle même plus de science, là, je veux dire. On a manipulé les chiffres. Vous parlez du Climate Gate à certaines personnes, vous dites, oh non, non, il y a des enquêtes qui ont montré que finalement, c'était toute une histoire préfabriquée. Écoutez, là, je veux dire, on a les courriels. Phil Jones, le directeur du département des recherches climatiques à East Anglia, qui finalement est un des plus grandes sources là, de données climatiques pour le GIEC, a avoué lui-même qu'on a eu un refroidissement climatique les 10 dernières années. Là. Je veux dire, à un moment donné, là, hein, arrêtez là, avec vos niaiseries. Là. Le Climate Gate, c'est bel et bien réel. On a complètement manipulé les données climatiques pour les faire cadrer avec l'agenda des réchauffistes, OK? Qui est mené par qui? Qui est mené par, tenez-vous bien, par des financiers internationaux, des banquiers internationaux, les Rothschild, même des compagnies pétrolières. Ben oui, vous avez bien entendu, même par des compagnies pétrolières, des gens comme Al Gore, Maurice Strong. C'est des conflits d'intérêts par-dessus conflits d'intérêts, complètement débiles. Et puis là, vous avez des gens qui ont participé à cette rencontre, à ce sommet à Cancun, qui sont tellement décalqués de la réalité, tellement sans dessin, je veux dire. Ces gens-là, ils ont dû boire toute la durée du sommet avec la tequila derrière la cravate. Let's go, la gang. Là, juste pour faire un test, savoir comment ces gens-là sont lucides, on a réussi à les duper par des étudiants collégiales, okay, qui faisaient circuler des pétitions. Et puis ces gens-là qui participaient au sommet des changements climatiques ou du réchauffement climatique ont signé une pétition sans la lire. Une pétition qui, en farce, c'est une farce finalement, là, c'était pas une vraie pétition. On demandait dans cette pétition-là de bannir l'eau. Alors, vous avez une gang de sans-dessin qu'on appelle des scientifiques, alors des pseudo-scientifiques. Qui vous pousse finalement là, tout un schème, une hystérie totale là, qui est en train d'accuser l'humanité des changements climatiques, alors que les changements climatiques sont naturels et cycliques depuis 4,5 milliards d'années. On n'a aucun effet là-dessus ou tellement minime que je veux dire, ça donne même pas la peine de s'en faire avec ça. Concentrons-nous sur la pollution, concentrons-nous sur les vraies sources de destruction de l'environnement. Je veux dire, le CO2, ça nourrit les plantes, ça fait plus d'oxygène, plus de végétation, plus de nourriture. Il n'y a aucun problème avec ça. Là. Arrêtez de capoter avec ça. Alors, on a même réussi à duper ces fameux gens-là qui se sont rentrés à Cancun à signer une pétition qui bannissait l'eau. Imaginez, c'est pour vous dire, là. Alors, on peut même dire que le sommet par le climat est de plus en plus ridiculisé dans la presse mondiale. Vous avez une multitude d'exemples ici, là. On parle de différentes publications, presse écrite, des colonistes là, du Télégraphe, du Daily Mail, du National Post. Vous avez une quantité comme ça de médias qui commencent réellement à remettre toute cette histoire-là en question, à se dire, écoutez, là, ouais, peut-être qu'il y a des affaires qui font pas aucun sens là-dedans, là. On parle ici même d'un article, okay, du Daily Mail, qui est quand même un journal assez important en Angleterre, où on révèle qu'il y a un massif trou dans l'histoire, dans les arguments des réchauffistes, qui parle en fait là, du climat qui ne se réchauffe pas, mais qui en fait, ça fait même jusqu'à 15 ans que le réchauffement climatique s'est arrêté. Alors, vous avez différents rapports même qui viennent documenter ça. Donc, voyez là que cette histoire-là ne fait pas vraiment de sens. Okay? Donc, plusieurs articles, allez voir ça, ou le Washington Post, Associated Press, New York Times, commence à parler aussi, à remettre tout ça en question, le Canada Free Press, The New American Magazine. Alors, on est en train de même prédire la mort lente de la croisade contre le réchauffement climatique, qui finalement est une histoire politique et financière qui n'a rien à voir avec la vraie préservation de l'environnement, avec les intérêts environnementaux. Hein? Donc, ne vous laissez pas avoir par cette hystérie-là. On joue avec vos sentiments, avec vos émotions. Protégez la planète pour vrai. Hein? Ne tombez pas dans le panneau de des histoires comme ça. Alors, on pourrait même les appeler des carbo-nazis, ces gens-là. Pourquoi? Bien, parce que vous avez ce mouvement-là qui est pénétré de toutes parts, surtout au sommet, par des eugénistes, des gens qui veulent réduire la population mondiale. Alors, ça aussi, c'est un thème très enraciné vraiment dans tout ce mouvement-là. Okay? Vous devez comprendre là, que les principaux financiers, les principales grandes gueules qui essaient de vous culpabiliser avec ça, sont des eugénistes qui plaident pour une réduction massive de la population mondiale, OK? On parle des Maurice Strong, on parle des Ted Turner, on parle des Al Gore, on parle de Gorbatchev, on parle d'un paquet de personnes comme ça. Et puis, c'est écrit dans leurs documents même, OK? Donc, allez voir ça, Agenda 21, ça en est un exemple absolument frappant. Okay? Donc, faites une petite recherche à Agenda 21 comme ça sur l'Internet et vous allez voir, vous allez en apprendre des maudites bonnes. Donc, écoutez, vous avez les délégués justement de cette conférence-là sur le climat qui apparemment veulent en venir sur un accord pour établir un fonds sur le climat de 100 milliards de dollars. Voyez que finalement, toute cette histoire-là, c'est un racket qui a tout le temps été à propos de redistribuer la richesse, mais qui ignore le fait que le truc à Cancun est un désastre total. Vous avez le Japon qui refuse de signer les accords de Kyoto. Alors, la NASA aussi qui a averti que les modèles, écoutez bien ça, là, un article qui a été publié, j'ai trouvé ici dans le Daily Galaxy. La NASA qui a averti que les modèles du réchauffement climatique sont faux, sont problématiques, sont troués de problèmes et ne prennent pas en compte les facteurs de refroidissement. Hein? Fait que les gens qui vous disent « Aïe, aïe, t'es pas un scientifique, de quoi tu parles, là, tu casses des commentaires là, que j'ai des fois sur les blogs, c'est assez hallucinant. François Marginal qui se prend pour un scientifique, qui sait mieux que tous les scientifiques de la planète qui savent qu'il y a un réchauffement climatique. » Écoutez, là, ça vient de des experts au sommet de la NASA, OK? Qui disent que les modèles de prédiction du climat, du réchauffement climatique, sont exagérés, okay, on fait peur pour rien, et qui ont systématiquement n'ont pas réussi à prendre en compte les facteurs importants de refroidissement qui rentrent en jeu alors que les taux de CO2 augmentent. Aha. Alors, selon Lauri Bounois, du Goddard Space Flight Center de NASA et d'autres scientifiques de la NASA et puis de la US National Oceanic and Atmospheric Administration, la NOAA, on dit qu'au fur et à mesure que les plantes vertes respirent le CO2 dans leur processus de photosynthèse, ils relâchent aussi de l'oxygène et que c'est aussi la seule raison qu'il y a de l'air pour nous à respirer et qu'en fait, plus de carbone de dioxyde de carbone a des importants effets sur eux. Alors, on explique que finalement, le feedback, hein, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on a un feedback négatif, un effet de retour, si vous voulez, qui fait en sorte que quand les plantes grandissent, qu'on prend en compte tous les effets de refroidissement, alors que le CO2 augmente, on a plus d'effets qui va pousser à la baisse la température qu'à la hausse. Alors, vous avez un effet négatif au fur et à mesure. On a même utilisé des modèles plus précis de science. OK, on parle de la science ici, là. All right? Des modèles de CO2. On a doublé les taux de CO2 dans l'air pour voir qu'est-ce qui se passait. Alors, on a calculé ça à 780 parties par million comparé aux 390 parties par million qu'on a actuellement. Et on a trouvé dans les nouveaux modèles qu'en réalité, le climat ne se réchaufferait que de 1,64 degrés Celsius en tout et partout. Et que l'effet refroidissant de toute la végétation serait plus grand, serait plus fort que les températures qui les pousseraient à la hausse. Alors, ce qui ferait en sorte que les températures sur la Terre, okay, sur le continent, seraient 0,3 degrés Celsius plus froides que comparées à ce qu'on a en ce moment. N'est-ce pas assez incroyable? Je veux dire, c'est des nouvelles absolument importantes. Vous avez même, on parlait de WikiLeaks, écoutez, là, vous avez des documents de WikiLeaks qui ont révélé que les États-Unis ont même manipulé les rapports de données. OK, alors on cumule des données. Alors on a manipulé ça s'était révélé par le Guardians, encore une fois. Alors réellement, là, vous voyez, là, on négocie des traités sur le climat. Et pour le faire, ben écoutez, on manipule les données. Hein? On utilise de l'argent pour essayer d'atteindre des ententes et on fait même des menaces. Et on parle de plus en plus, faites attention, on parle de réingénierie du climat. Okay? Alors, on est en train de parler de solutions, de réingénierie. Alors, ça a été même rapporté par The Economist au mois de novembre. On en parle dans quelques articles ici que je vous mets en ligne. Alors, apparemment que là, on a un réchauffement climatique encore pour eux autres qui, pour régler ça, il faudrait commencer à injecter toutes sortes de substances dans l'atmosphère, d'injecter des particules de métal dans les océans, toutes sortes de solutions comme ça, bric-à-brac, pour apparemment régler le problème. Okay? Donc, on parle de toutes sortes de solutions à grande échelle comme ça. Alors, imaginez l'homme, lui, qui commence à penser qu'il est plus intelligent que la nature, va commencer à fucker le chien. Et puis, là, ben, écoutez, si vous voulez avoir des désastres, bien, bienvenue, voilà la porte. Alors, surveillez ça, c'est incroyable. Tempête, un monstre de neige dans le sud de l'Ontario, je vous en parlais, allez voir tous les liens de ça, les blizzards qui ont ravagé tout le nord des États-Unis jusqu'au Midwest, qui ont laissé, on parle là de plus de, écoutez, si on parle de 20 pouces de neige, là, donc 20 pouces de neige, ça fait combien? Ça fait pas mal de centimètres de neige, là. Ça en fait quoi là, à peu près, je dirais 40 cm de neige, une affaire comme ça. Donc, je vous disais, le métrodôme, le toit du métrodôme s'est effondré. Alors, allez voir ça, un paquet de nouvelles. En Europe, c'est la même affaire. En Europe, là, écoutez, les records de froid partout. On dit que ça va durer jusqu'à un mois en Angleterre. Complètement capoté, je veux dire, il fait froid à la grandeur de la planète, puis on parle encore apparemment de réchauffement climatique. Alors, c'est assez particulier, là, moins 20 en Angleterre, là, hein? Même les pneus d'hiver, là, sont complètement vendus, il n'en a plus, là, OK? On a tout vendu les pneus d'hiver qu'il y avait sur le marché. L'année passée, on en avait vendu 2 000. Cette année, à pareille date, on en a vendu plus de 50 000. Alors, vous voyez, c'est incroyable. Et puis là, rappelez-vous que ces réchauffistes-là, comme les gens comme Al Gore, avaient déclaré sur la place publique qu'on n'aurait plus besoin de ces choses-là. On n'aurait plus besoin parce que là, les hivers étaient pour être une chose du passé. Alors imaginez comment que on est mal foutu. Hein, on parle de réingénierie du climat. Pensez à ces malades mentales-là qui vous ont dit que là, il n'y aurait plus d'hiver. Fait que là, les gens se préparent à du plus chaud. Aux États-Unis, on s'est préparé à un climat plus chaud. En Angleterre, pareil. En Europe, tout le monde se prépare pour plus chaud. Puis là, bang! Vous avez 4 hivers d'affilée qui battent des records de froid et de couverture de neige. Oh, pas bien. Oh, pas bien, là. On n'est pas préparé à bonne chose. Puis vous avez des personnes qui vont mourir à cause de ça, là. Donc, on pourrait dire que c'est carrément criminel, ces histoires-là, là. Vous avez l'armée qui a été mise sur un pied d'alerte. Même en Angleterre, alors on est en train de connaître des mois de décembre le plus froid depuis 100 ans. Depuis 100 ans. La Tour Eiffel a été fermée parce qu'on a connu des chutes de neige trop importantes à Paris. Alors, ça aussi, là, hein, c'est assez particulier de voir ça. Des scientifiques qui essaient de vous épeurer malgré tout, des scientifiques qui, hein, en parenthèse, des scientifiques, là, qui eux autres, là, déclarent que les changements climatiques pourraient vous donner le cancer. Ben oui. Hein, ça va vous donner le cancer. Ben bon, ben je te dis, c'est fantastique ça. Hein, c'est incroyable. Ben oui, le réchauffement climatique, là, finalement, là, il va faire en sorte que vos carottes vont pourrir, puis que, hein, je veux dire, à peu près tout va arriver dans votre vie. Vous avez même ces connards-là, hein, qui vous donnent des solutions. Là. Comme je vous disais encore, on parle de réingénierie du climat. Là. Ces gens-là disent que là, ils ont des solutions. On va mettre toutes sortes de produits chimiques, des métaux, toutes sortes de gogosses comme ça dans l'atmosphère pour essayer de modifier le climat. Alors que ces cons-là essaient de vous vendre l'éthanol comme étant une solution. On a transformé du maïs plein de nourriture qui, au lieu de nourrir des populations pauvres, on a transformé ça en pétrole pour les consommateurs les consommateurs de pétrole, hein? Donc même l'armée américaine, je veux dire, pour faire du pétrole, l'éthanol. Alors que Al Gore, cette semaine, a été obligé de se replier, puis d'admettre que finalement l'éthanol n'était pas une bonne solution, n'était vraiment pas une bonne solution. En fait, ça cause beaucoup plus de problèmes. C'est une erreur totale. La conversion des ratios d'énergie n'est que très, très basse. Alors, on n'a pas un bon rapport énergétique avec toute cette transformation-là, et puis surtout dans la production. Juste pour faire de l'éthanol, on produit plus de CO2 que de brûler tout simplement du pétrole. Alors, voilà, un autre exemple. Vous avez un autre ici, un article là, ici de Mike Mantz qui parle du secret, du meeting secret sur la période médiévale. De chaleur qu'on a connue. Alors, vous avez les réchauffistes qui avaient menti à propos de ça, qui avaient dit qu'on n'avait pas connu de période médiévale chaude, alors qu'on en a connu une beaucoup plus chaude qu'actuellement, et puis on n'avait pas de voiture ou de quoi que ce soit, d'industrie. Alors, ça aussi, c'est un embarrassement majeur pour les cultistes du réchauffement climatique. Okay? Ils ont été obligés d'admettre que finalement, ben oui, on a connu des périodes beaucoup plus chaudes et que le fameux hockey stick, le fameux graphique en forme de bâton de hockey, là, est une fabrication totale. On a connu des réchauffements climatiques beaucoup plus chauds que ça, beaucoup plus drastiques. Même les Vikings commençaient à coloniser l'Amérique du Nord et cultivaient au Groenland, imaginez. N'est-ce pas assez particulier? C'est ce que supportait d'ailleurs ce qu'on appelle la naissance hein, de l'art, en fait la floraison de l'art, de l'art et puis de la science et finalement de la Renaissance. Alors on a appris que la NOAA a fait en fait une présence en cour pour parce qu'elle a été accusée hein, de refuser de rendre publiques des évidences qui montrent qu'on a un ou plusieurs satellites américains qui ont exagéré les températures du climat. Alors, on a même modifié ces données-là. Vous avez des prédictions des réchauffistes qui disaient que le réchauffement climatique était pour endommager la grande barrière de corail au large de l'Australie. Cela ne s'est pas matérialisé. Alors, on vous ment tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est incroyable. On confirme dans une autre nouvelle ici qu'entre 1040 et 2080, on a connu des températures plus chaudes qu'actuellement. Ça confirme que la période médiévale chaude était plus chaude qu'aujourd'hui. Et puis, de toute évidence, le monde n'est pas mort. Le monde ne s'est pas arrêté. En réalité, on a connu une période de floraison de l'humanité, des arts, comme je vous dis, de la science. Et on a connu la Renaissance, plus de nourriture. On cultivait des vignes jusqu'au Groenland. Okay? Donc, voilà pour le truc du réchauffement climatique. C'est suffisant pour ce dossier-là. Et rapidement avec l'économie, ben écoutez, ça chauffe, ça chauffe. Si vous l'avez pas encore vu, vous allez trouver sur le blog Les Nouvelles Internationales la vidéo Les Assassins économiques de John Perkins. J'en ai souvent parlé ici sur l'émission. Les Assassins économiques, hein, qui sont les seuls réels responsables de la création du premier véritable empire global et qui travaillent sur plusieurs façons différentes. Mais que la plus commune est d'identifier des pays détenant des ressources comme le pétrole, et alors ils arrangent des énormes prêts pour se payer auprès de la Banque mondiale ou l'une de ses organisations sœurs, mais l'argent ne va jamais réellement au pays. Il est plutôt utilisé par les grosses corporations pour construire des projets d'infrastructure dans ces pays, centrales énergétiques, parcs industriels, ports, des choses qui profitent à quelques personnes riches de ce pays, en plus de nos de ces grosses corporations, mais certainement pas la majorité des gens. Ça, c'est évident. Dans tous les cas, les gens, l'ensemble du pays conservent une dette énorme. C'est une dette qui est tellement énorme qu'ils ne peuvent payer et ça fait partie du plan. Ils ne peuvent pas la rembourser. Trois vidéos à aller voir qui ont été aussi sous-titrées en français pour vous. C'est bon pour les fameux. En fait, pour la blogosphère francophone, c'est des informations très importantes qui sont malheureusement disponibles qu'en anglais. C'est la majorité de l'ouvrage que je fais ici, c'est de vous traduire, de vous apporter à vous la quantité de nouvelles qui sont disponibles dans la blogosphère anglophone qui ne filtre pas dans celle qui est francophone, malheureusement. Alors, très important à les voir. Ensuite, les États-Unis qui pourraient avoir un problème pour rencontrer la demande globale de blé. Ça a été rapporté par les Nations Unies. Alors, on a un problème logistique de capacité à rencontrer la demande globale, alors qu'on a eu des chutes de pluie records qui ont coupé dans la qualité des récoltes ici au Canada, en Australie et aussi dans d'autres pays, OK? Et puis, ben écoutez, là, ça fait monter les prix. Vous avez le coton qui continue à battre des records historiques. On bat des records historiques là, de toute l'histoire du monde, là, je veux dire, des augmentations d'au-dessus de 150 % des prix du coton, le prix des vêtements et des autres aussi, des autres fibres, parce que ça va créer plus de demandes pour les autres fibres. Alors, attendez-vous à ce que les vêtements, le prix des vêtements augmente de façon assez fulgurante dans les prochains mois. Alors, c'est peut-être, si vous avez des vêtements à acheter, c'est peut-être mieux de le faire présentement, OK, avant que les prix commencent à exploser. On fait, écoute, on imprime, on fait aller les imprimantes à argent, là, je veux dire, de façon complètement délurée. On imprime de l'argent comme de l'eau. Et puis, ce qu'on fait, ben, c'est qu'on achète finalement le papier toxique qui a été vendu partout dans le système. Alors, on rachète tout ça et puis ça, on met ça sur le dos des payeurs de taxes américains. Alors, tout ça n'a rien à voir avec la stimulation de l'économie, mais ça a plutôt tout à voir avec finalement faire augmenter la richesse financière de la Fed au coût de l'économie, OK? Vous devez vous rappeler que la Fed aux États-Unis est une banque privée, c'est une entité privée et qui n'a rien à voir, n'est pas une vraie division du gouvernement américain. Ça a été même prouvé par des documents de justice aux États-Unis. Alors, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, ensuite, vous avez, écoutez, il faut comprendre qu'est-ce qui coûte si cher aux États-Unis, ce qui la pousse vers la banqueroute. Ben, c'est évidemment les dépenses militaires américaines qui sont complètement hors de contrôle. Vous avez un article ici qui parle de 12 faits qui montrent qu'on ne peut pas continuer comme ça à financer l'armée et à gérer le monde et à être la police mondiale. Les États-Unis qui se prennent pour la police du monde. On a plus de 700 bases militaires dans 130 pays à travers la planète. Les dépenses sont excessivement élevées. Vous devez évidemment vous en douter, mais écoutez, les chiffres sont absolument faramineux. On parle d'un budget militaire pour 2010 de 693 milliards de dollars. Évidemment que c'était de l'argent qui était redistribué aux Américains, hein, aux personnes qui sont en difficulté, les gens qui perdent leur maison, leur fonds de pension. Peut-être que ça aiderait les gens, mais on n'est pas là pour aider ces gens-là. On n'a pas d'argent pour eux, mais par contre, on a des centaines de millions de dollars pour les financiers de Wall Street, les banquiers privés et tout le temps aussi pour le secteur militaro-industriel. Vous avez aussi plusieurs de ces budgets-là qui ne sont même pas comptés, hein, donc vous avez des black budgets qu'on appelle. Et quand on met tout ça ensemble, le total, on parle ici d'au-dessus de 1 trillion de dollars à 1,35 trillion de dollars qui ont été dépensés dans la défense nationale en 2010. Alors, vous devez comprendre là que c'est des chiffres extrêmement élevés et la vérité est que l'armée américaine dépense plus que les dépenses militaires de la Chine, de la Russie, du Japon et de l'Inde et du reste des autres pays de l'OTAN combinés. En fait, les dépenses militaires américaines composent 44% de toutes les dépenses militaires mondiales. Vous avez des données qui sont absolument hallucinantes. Vous avez ensemble les guerres de l'Irak et de l'Afghanistan qui coûtent plus de 150 milliards de dollars par année. Ça, c'est vraiment des chiffres très conservateurs. On estime jusqu'à date que le gouvernement américain a dépensé plus de 373 milliards de dollars sur la guerre en Afghanistan. En Irak, on a dépensé plus de 745 milliards de dollars. Ça, c'est sans compter les coûts à long terme, là, okay? C'est juste l'argent qui a été dépensé jusqu'à date. Depuis 2001, le coût total de la guerre en Irak et en Afghanistan revient à environ 3 600 $ pour chaque femme, enfant et homme aux États-Unis. Vous devez comprendre que l'équipement militaire coûte excessivement d'argent. Ça rapporte beaucoup d'argent aux manufacturiers militaires. Vous savez, un F-22, ça coûte environ 350 millions de $ par unité. C'est pas des petits chiffres, là. On fait dans la grosse facture, hein? Ensuite, écoutez, allez voir le reste des chiffres comme ça. La dette nationale qui est 13 fois plus large que ce qu'elle était il y a 30 ans. Et puis, on nage dans l'encre rouge. Et puis, c'est évident que ces gares-là coûtent excessivement cher. Vous avez aussi toute une machine pour vendre ces gares-là. L'image est toute quand vous vendez, quand vous faites le marketing d'une machine à tuer de 3 trillions de dollars, vous avez une vidéo, allez voir ça. Les guerres qui coûtent excessivement cher, on tue, on fait des morts même chez les Américains. On a tué plus de 1,3 ou 1,4 millions d'Irakiens depuis 2003. Mais c'est pas grave, ça rapporte, c'est de la grosse business. Vous avez les représentants. Vous avez le représentant à la Chambre américaine qui ont approuvé qui ont approuvé une augmentation, en fait, un budget pour la défense, une augmentation là, de 160 millions de dollars pour 2011. Vous avez finalement une politique étrangère qui est dominée par l'idéologie de la guerre, qui est en train de détruire l'économie, la sécurité nationale. La Maison-Blanche qui intensifie son build-up militaire en Pologne. Alors, un article aussi qui parle de ça, on est en train d'encercler carrément la Russie. La Russie qui n'est évidemment pas très contente de ses derniers développements et ses actions qui, au sol, par les Américains et en Pologne, ne peuvent pas être interprétées comme étant des mouvements pacifiques envers la Russie. D'autres nouvelles qui parlent de la fameuse crise des saisies de maisons, de finances. Alors, on a appris dans un article ici plus de confirmation que ce qu'on vous disait sur l'autre monde, c'est que le secret de Wall Street et que les fameux papiers là, de subprime hein, qui a créé la crise en 2008, les fameux papiers frauduleux qu'on a revendus et revendus, qui ont été vendus à travers la planète ces 9 dernières années, ne valent absolument rien, OK? Et que maintenant, vous avez ces banques-là, ces compagnies de financement d'hypothèques ont été forcées de les racheter. Et le gouvernement a pris, hein, vous devez comprendre que ces gouvernements-là ont carrément envoyé les jobs payants aux États-Unis à l'étranger, alors que les banques, eux autres, venaient reprendre de finance les maisons aux États-Unis pour recapitaliser leurs livres financiers. Alors, c'est tout aussi simple que ça. Vous avez un paquet de nouvelles à aller voir à ce niveau-là. Vous avez un autre article ici qui parle de la Fed aux États-Unis. On a posé des questions au chairman Ben Bernanke. On apprend justement qu'on utilisait tout cet argent-là pour sauver les plus grandes banques américaines qui auraient dû faire faillite. Donc, plusieurs articles à aller voir. Les maisons américaines qui vont perdre une valeur accumulée de 1,7 trillion de dollars cette année. Écoutez, là, c'est énormément d'argent en valeur là, qui est perdu sur les maisons. Alors, vous avez acheté une maison à 300 000 dollars, elle en vaut que 200 000 l'année d'après. C'est absolument incroyable. Vous avez un pourcentage assez élevé. Écoutez, là, des gens qui se retrouvent dans une hypothèque négative comme ça, c'est-à-dire qu'ils doivent plus d'argent que la maison n'en vaut. Alors, vous avez plus de 23,2% des Américains qui se retrouvent dans une situation pareille, une augmentation de 2% par rapport à la fin de 2009. On s'attend à plus de reprises de finances en 2011. Alors, ce truc-là ne va pas s'estomper. En fait, ça va qu'augmenter. Le marché qui s'attend à ce qu'on ait repris de finances plus de 1,2 million de maisons en 2010, une augmentation de 300 000 par rapport à 2009. Et on estime qu'on va même dépasser ces deux chiffres-là en 2011. Alors, on ne parle pas ici de reprise économique aux États-Unis. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune reprise. On est en train de sombrer dans la dépression. Vous avez même le maire de Détroit, de la ville de Détroit, qui, lui, est en train de planifier d'arrêter la collecte de déchets dans plus de 20% de la ville et puis même de mettre fin à des patrouilles policières. On n'a vraiment plus d'argent, on est en train de faire faillite, alors on coupe un peu partout. Vous avez ici une chaîne de magasins qui vont fermer aux États-Unis dans 71 emplacements. On va couper 4 400 emplois. AP, ça c'est une chaîne alimentaire qui va aussi faire faillite. On va fermer plus de 100 magasins. Ça c'est quelques exemples. Un autre ici, c'est A.G. Wright qui ferme ses entreprises à travers l'Indiana. 725 jobs qui vont être perdus. Une autre chaîne ici, c'est Orchard Lee de restaurants. 16 restaurants qui vont fermer. Vous avez des données économiques qui montrent que plus de 500 000 personnes ont été ajoutées au programme d'assistance alimentaire, okay, en plus de un mois. On a plus de 6 millions d'Américains qui ont été ajoutés à ces listes d'aide alimentaire. N'est-ce pas absolument assommant? 6 millions d'Américains qui se retrouvent sur le programme d'assistance alimentaire, n'ont pas assez de nourriture à chaque jour pour se nourrir aux États-Unis. Un pays riche, pour nous, oui, c'est un pays qui est en train de s'appauvrir. La tiers mondialisation des États-Unis. Bon, écoutez, là, ça continue comme ça. Les banques qui ferment aux États-Unis, on est rendu à 151 cette année, 151 banques qui ont fermé. Pendant ce temps-là, Goldman Sachs emprunte de l'argent à la Fed, 24 milliards de dollars avec des taux d'intérêt. Écoutez, les grandes banques sont chanceuses, hein? Voulez-vous savoir c'est quoi le taux d'intérêt que Goldman Sachs a payé pour emprunter 24 milliards de dollars à la Fed? Les taux d'intérêt sont de 0,0078 %, 0,0078 % d'intérêt. Hein? Pendant ce temps-là, vous perdez vos maisons. Les banquiers en Irlande, eux autres, ils vont recevoir un bonus de 34 millions de livres sterling, alors que les payeurs de taxes britanniques, eux autres, vont payer la facture pour sauver les banques. Alors, ça, c'est une autre histoire. Vous savez, des protestants en Irlande qui sont en train de tomber dans une rage totale et avec toutes les raisons contre les banques. Alors, vous allez voir des photos, des vidéos de ça. Le chef du FMI qui s'est rendu à Athènes, alors lui, il a été attendu par des manifestants. Vous avez les transports qui ont subi une grève générale qui ont amené Athènes à la halte, alors à l'arrêt total. La capitale grecque qui s'est carrément arrêtée sous des protestations et des grèves majeures contre les mesures d'austérité du gouvernement. Vous avez un Canadien qui a été arrêté pour avoir attaqué des machines automatiques, la distributrice d'argent avec des cocktails Molotov. Alors, vous voyez là, de plus en plus de révoltes contre les banques. Vous avez de plusieurs banques qui sont mises à feu, mais on en parle très peu dans les grands médias. L'appétit chinois continue pour l'or. Alors, les Chinois qui ont acheté cette année plus de 260 tonnes d'or, alors ça aussi, ça fait monter les prix. Vous voyez que les banques centrales de plusieurs pays, dont plusieurs nations asiatiques, achètent des tonnes d'or et de métaux précieux. On se prépare au prochain crash financier. Vous avez un interview choc de Bill Murphy ici, celui qui avait révélé la grande fraude, la manipulation dans le marché des métaux précieux. Alors, ça aussi, ça continue là, de faire toute une histoire. Alors, JP Morgan, qui est en train de faire faillite à cause de ça, on a vendu jusqu'à 50 fois plus de métaux précieux qu'il n'en existe. Alors, ceux qui possèdent que les bons, les coupons en argent, ben réveillez-vous, allez prendre possession physique de votre argent et de votre or parce que 1 ou 2 % de la population va être capable de mettre la main sur ces vrais stocks de métaux précieux. Une banque suisse a refusé de rendre l'or jusqu'à temps qu'on leur fasse des menaces judiciaires, OK? Alors, vous avez justement des clients comme ça d'une banque majeure en Suisse qui voulait avoir accès à son or et à son argent et qui a dû employer des avocats pour exposer publiquement ce que la banque faisait, c'est-à-dire qu'elle lui refusait de prendre possession de ses stocks de métaux précieux. Alors, les banques qui finalement ne possèdent pas l'or physique pour vous la donner, et c'est une autre preuve de ça. Vous avez un article ici de comment qu'on achète de l'or et de l'argent. Allez voir ça aussi, c'est assez intéressant pour ceux qui voudraient se procurer des métaux précieux. Marché dérivatif, ben ça aussi, c'est la prochaine grosse bulle qui est en train d'exploser carrément. Alors, on parle de plus de 1 quadrillion de dollars dans ce marché de casino financier qui est complètement dominé par les grandes banques internationales. Ça aussi, ça a été révélé cette semaine. Écoutez, là, c'est complètement débile, les chiffres. Là, on parle de quadrillions de dollars, là, OK? Ça, ces chiffres-là, si les chiffres sont assez précis, c'est un marché qui est 20 fois plus important que tout le PIB du monde entier. 20 fois plus important que le PIB du monde entier. On dit que si on comptait à coût de 1 dollar par seconde, jusqu'à 1 quadrillion de dollars. Okay, si on comptait là, 1 dollar à tout par seconde jusqu'à 1 quadrillion, ça nous prendrait plus de 32 millions d'années pour y arriver. Pensez-vous je veux dire, essayez de vous imaginer là, le gigantisme de ce casino financier mondial, les marchés des produits dérivés. Ben là, vous avez le New York Times qui vient juste de publier un article qui parle de cette élite bancaire secrète qui gère les échanges dans les marchés des produits dérivés. Alors, on apprend que dans ce journal-là, que les banquiers de Wall Street se rencontrent comme ça dans des meetings privés et puis qu'on discute de comment qu'on va se répartir et contrôler ce marché-là. Ça aussi, c'est assez particulier. Ces gens-là se rencontrent une fois par mois, 9 membres de l'élite de Wall Street qui se rencontrent dans le downtown de Manhattan. Et puis, c'est quoi le but commun? Ben, c'est de protéger les intérêts des grandes banques dans le marché des produits dérivés, le marché qui est le plus profitable et le plus controversé du milieu financier. Alors, vous avez des gens comme JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley qui se rencontrent et on discute là, de comment que finalement là, on va manipuler les marchés pour en profiter pendant que vous autres, ben, vous vous retrouvez sans maison, sans emploi. Et ben écoutez, c'est là qu'on manipule les prix aussi par exemple, du pétrole, okay, du pétrole pour chauffer. On le fait augmenter ça de prix alors qu'on est en train de vivre un des hivers les plus froids. On voit des records de froid un peu partout, mais on va profiter de ça. On s'en fout carrément de vous autres, là, comment vous allez survivre. Même affaire pour les prix de la nourriture, le bœuf, le sucre, je parlais, le coton, tous ces trucs-là. Alors, tout est lié. La banque Bank of America qui a admis une fraude aussi justement dans ces marchés-là, On a admis des participations, des conspirations, imaginez, c'est admis par la banque, là, OK, des participations, des conspirations pour manipuler les marchés financiers municipaux, bons de municipaux, dans les marchés dérivés, alors pour essayer d'en profiter. Alors, on va verser plus de 137 millions de dollars de restitution au fédéral et puis les agences étatiques là-bas. Alors, voilà un autre exemple de ça. Donc, aller retrouver les nouvelles de l'économie. Donc, voilà, nous autres, on s'arrête ici pour une deuxième pause. Et puis, ben, coudonc, je pense qu'on va défoncer l'émission pour le temps des fêtes. Alors, ça va être une spéciale avant de partir. Écoutez, là, ça n'a pas d'allure que je vous quitte encore cette semaine sans parler de tout ce gros dossier-là, de l'influence, je dirais, du lobby israélien. Et de ce qui se passe ici au Canada et dans un contexte plus large mondial. Alors, allez voir ça. J'en ai plusieurs des bonnes nouvelles à vous passer. Vous allez voir, il y a de quoi de quoi discuter une demi-heure de plus. Alors, on va étendre l'émission un peu plus sur ça. On va rester ensemble pour une autre heure avant de faire une grande pause pour le temps des fêtes. Donc, je pense que ça va valoir la peine de sortir ça, laisser le temps de digérer ça, puis on va se retrouver après. OK, donc on part en petite pause musicale, on se retrouve immédiatement après. Chers auditeurs, vous êtes de retour. Vous venez d'écouter la chanson Folsom Prison Dub de Stick Figure. Alors, nous allons poursuivre. Il nous reste environ une quinzaine de minutes. Donc, on va aborder le sujet chaud de la semaine. Juste avant de le faire, j'aimerais porter votre attention sur une section avec les dernières nouvelles là, par rapport au dossier de BP. Alors, n'allez pas penser que ce dossier-là, parce qu'on n'en entend plus parler dans les grands médias, qu'il est terminé, que la situation va bien, loin de là. On a plusieurs informations qui font surface. On trouve des taux de quantité là, de produits chimiques qu'on sait qu'on continue de dépendre du Corexit, alors des dispersants chimiques. On a aussi beaucoup de contamination à cause de tout ce pétrole qui s'est échappé. Alors, allez voir ça. Vous en avez une série, là. J'aurai pas le temps de vous les lire, de vous les présenter, là, vraiment tout en détail, là. On a quelques nouvelles quand même qui ressortent du paquet. On a ici des gens au top, là, de l'armée américaine qui travaille avec des gens de BP pour promouvoir les produits de la mer qui proviennent du golfe du Mexique. Alors, on a même, écoutez, là, fait en sorte qu'on essaie de multiplier finalement là, même on paye les scientifiques pour déclarer que il n'y a pas aucune toxicité dans les produits de la mer, alors les fruits de mer. Alors, allez voir ça, il y en a énormément là-dessus. On a des tests qui confirment que la chaîne alimentaire, en fait, ça se trouve être la chaîne de la vie animale marine qui s'est retrouvée dans une soupe toxique, là, donc dans le golfe du Mexique. On a plusieurs nouvelles là-dessus. On a même des photos qui viennent des sites Internet qui montrent qu'on a encore malheureusement beaucoup de dégâts qui sont causés par le pétrole, des fuites aussi qui proviennent du fond marin. On a même des photos là, des rovers qui nous présentent qu'on a de l'épandage qui se fait. En fait, c'est pas de l'épandage. On utilise encore là, des dispersants de pétrole qui sont dispersés directement au fond du golfe du Mexique. Alors, on a des photos de ça, allez voir ça. On a retrouvé plusieurs sortes de poissons morts par milliers. Alors, ici, on a une nouvelle là, qui raconte qu'on a entre 5 000 et 15 000 poissons morts qui ont été retrouvés de différentes espèces, des crabes aussi. Toutes sortes de trucs comme ça. On a aussi fait des tests sur des cellules humaines, alors qui montrent que les dispersants ont causé la mort et puis des dommages à l'ADN. Ça vient du directeur d'une université, l'université de Southern Marine Center for Toxicology and Environmental Health. Alors, ça vient du directeur, comme je vous dis. Alors, beaucoup de trucs comme ça là, qui montrent des tests de laboratoire là, qui montrent que la nourriture, la chaîne alimentaire s'est retrouvée carrément polluée là, d'éléments toxiques et puis que ça se répand partout à travers la chaîne alimentaire jusque dans la bouche des gens qui mangent de ces produits-là et qui vivent autour aussi. Alors, on parle des dispersants qui ont continué d'utiliser. Toutes sortes de trucs comme ça. On a un autre article ici qui parle du troisième puits qui a été percé. Alors, on a d'autres évidences par rapport à ça. Des scientifiques sont achetés par BP pour présenter la situation sous un bon jour. C'est une situation qui est loin d'être résorbée. Allez voir ça. Il y a beaucoup de trucs. C'est important là, d'être conscient là, que ce truc-là, c'est pas terminé. On continue d'avoir des dégâts manifestement dramatiques là, pour toute la vie marine et puis les gens qui vivent autour. Malgré ça, on a ouvert à 96% les opérations de pêcherie, de pêche en réalité là, dans le golfe du Mexique, alors qu'on utilise encore des produits chimiques, des dispersants et qu'on retrouve la contamination par le pétrole un peu partout. Alors, on continue de prétendre que tout est beau et on envoie les pêcheurs aller récolter des trucs dans le golfe alors qu'on a des problèmes de toxicité très graves. Voilà. Maintenant, le dernier dossier, ben écoutez, je vais l'ouvrir de cette façon-là. On parle d'Israël, de ses influences. On a ici au Canada, écoutez, une influence du lobby israélien qui est de plus en plus importante, qui pèse sur notre politique étrangère, qui influence malheureusement beaucoup notre position et notre image sur la scène internationale. Là, vous avez même ici un Canadien qui a produit une thèse à l'université sur. C'est en fait un activiste anti-sioniste juif, imaginez, qui est descendant d'un survivant de l'Holocauste. Okay? C'est pas. Vous savez, on a tout le temps tendance à se faire traiter d'antisémite pour n'importe quelle raison. On trouve tout le temps les bébites. Vous avez même un auditeur qui a posté l'émission sur le site des Sceptiques du Québec. Je vous invite à aller voir ça. C'est assez délirant ce qui s'est passé là. Je ne suis pas resté longtemps. On vous accuse immédiatement de tous les noms. On fait des procès d'intention. Je veux dire, on vous accuse de toutes sortes d'affaires. C'est pas carrément de la diffamation. Alors, on s'aperçoit que les sceptiques du Québec n'ont probablement pas été poursuivis en justice très souvent pour diffamation. Peut-être que ça aurait intérêt à arriver plus régulièrement pour remettre un peu ces gens-là à leur place, des gens qui se croient vraiment au-dessus de leur affaire, imbus d'eux-mêmes. C'est assez particulier de voir ça, les sceptiques du Québec. Ça se dit, les sceptiques du Québec, je vais vous dire, ça ressemble plus à un culte que n'importe quoi. Des gens qui ne comprennent pas beaucoup de choses à la réalité, des gens qui sont hypersensibles, qui ne sont même pas capables d'entendre parler de la critique d'Israël. On se dit ouvert à la critique des politiques d'Israël. Mais finalement, on trouve toutes sortes de bébites pour essayer d'assimiler ça à de l'antisémitisme. Alors, tout le temps la même carte qui est jouée, on fait des procès d'intention. Vous savez, ici à l'autre monde, je me gêne pas pour en parler de la situation au Moyen-Orient, des politiques d'Israël. Et puis, ça n'a rien à voir, my God, ça n'a rien à voir avec vraiment une haine des Juifs ou quoi que ce soit, essayer de les démoniser ou de l'antisémitisme de quelque façon. Je veux dire, je touche à une multitude de sujets ici sur l'autre monde et jamais je me fais traiter d'anti-américain ou d'anti-français ou d'anti-quoi que ce soit, anti-musulman ou peu importe, là, je veux dire, on fait juste recevoir ces étiquettes-là quand on touche au dossier d'Israël. Alors là, ça, c'est très sensible, on vous traite de toutes sortes d'affaires. Alors que réellement, je l'ai répété à plusieurs reprises, on a même eu ici des gens du PAJU, les Palestiniens et Juifs pour la paix au Moyen-Orient. Et je le répète souvent, même que je dis que les Juifs eux-mêmes sont victimes des sionistes dans bien des cas. Je cherche à protéger autant les Palestiniens que les Juifs. Contre une élite, réellement une élite complètement capotée, une élite religieuse, une élite politique, qui sont versées dans une idéologie politique, disons-le, qui peut être basée sur certaines façons sur le Talmud. Mais vous devez comprendre qu'en réalité, là, on a affaire ici à une élite psychopathe, une élite qui dérape totalement et puis qui met même les Juifs en danger. Qui attise les tensions, attise la haine à travers le monde, qui attise le racisme aussi à travers Israël. L'Israël qui se trouve être le nouvel État théocratique du 21e siècle, déclaré qu'il fallait porter allégeance à l'État juif si on voulait être résident en Israël. Donc, ça, c'est des trucs à avoir en tête. Et puis là, écoutez, c'est des faits là, dont je parle ici, là. Je suis pas là pour moi pour attaquer les gens en tant que tels. J'attaque les idéologies politiques. Le sionisme est une idéologie politique. On essaye maintenant d'assimiler ça avec des attaques sur les Juifs, ce qui n'a aucun rapport. Si certaines personnes le font, c'est leur problème. C'est pas mon cas. Je veux dire, lâchez-moi tranquille. Avec ces histoires-là, je veux dire, on le fait même référence. J'ai publié un article là, qui parlait du mouvement trotskiste qui était en grande partie là. Écoutez, c'est des faits historiques. Là, on peut pas rien changer. Là, c'est des faits historiques qu'on somme ici, qu'on parle, dont on parle. Et puis, vous devez comprendre que en grande partie, c'était à la tête des Juifs qui s'y trouvaient. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les Juifs sont méchants, qu'il faut les démoniser et puis qu'on est antisémite? Ben non, je veux dire, ça n'a rien à voir avec le reste du peuple juif et puis des Juifs de religion judaïque. Ça n'a rien, absolument, mais absolument rien à voir avec ça. Je veux dire, c'est tout le temps une élite de psychopathes, peu importe qu'on soit aux États-Unis, en France, en Allemagne. Au Tibet, je dirais même en Chine, je veux dire, c'est pas parce qu'on parle du régime chinois que ça veut dire que tous les Chinois sont méchants et qu'on est anti-chinois, ok? Je veux dire, à un moment donné, là, faut arrêter de penser comme des imbéciles, de parler comme des sans-dessins, des caves, ok, qui comprennent rien. Je veux dire, essayez de comprendre un peu ce qui se passe ici. On essaye avec notre meilleur sens de l'humanité. Humain, si vous voulez, là, de défendre, je veux dire, les êtres humains, les gens de bonne foi, peu importe leur allégeance religieuse. Alors, voilà quoi. Alors, vous avez cette personne, ce Canadien qui a gradué à l'université, qui a écrit une thèse, qui est un activiste antisioniste, qui est juif, qui est un descendant des survivants de l'Holocauste, alors qu'il s'appelle Jenny Peto, qui, lui, à l'Université de Toronto, a écrit une thèse sur, on appelle ça, ben, je vais vous le dire en anglais, le titre, là, c'est The Victimhood of the Powerful. Alors, on pourrait parler, je veux dire, la victimisation, la victimité. En fait, c'est dur à traduire, là, c'est comme le sentiment de victime des gens qui sont puissants. On parle ici des juifs blancs, du sionisme et puis du racisme, de l'hégémonie, qui est transmise à travers l'éducation de l'Holocauste. Alors, évidemment que ça a ébranlé plusieurs personnes. Ça a été repris par le Canadian National Post. Ça a provoqué un débat intense jusque au Parlement. Alors, ça, c'est une première au Canada. C'est jamais arrivé. Là, on commence à halluciner avec ça, à le traiter d'antisémite, évidemment. Vous devez aller voir l'article au complet sur ça, qui est très intéressant, qui a absolument rien à voir avec l'antisémitisme. En plus, ça vient d'un juif. Alors, moi, ici, je vais vous dire qu'il y a plusieurs juifs qui sont très éveillés, puis qui parlent de la vérité, qui savent ce qui se passe, qui sont contre la politique de l'État d'Israël. Et puis, c'est bien de ça qu'on parle ici à l'autre monde. Alors, si vous voulez parler d'antisémitisme, mais parlez donc de ce que vous voulez. Hein, à un moment donné, vous allez retrouver avec une belle poursuite en justice pour diffamation, parce qu'à un moment donné, il va falloir arrêter les niaiseries, là. Hein, ça n'a pas d'esprit de bon sens, là. Je veux dire, quand ça vient de la bouche même des Juifs, là, je veux dire, c'est pas parce qu'ici on hallucine, là, je veux dire, les meilleurs intellectuels juifs aussi savent très bien qu'une dérape totale de l'État, qui va nuire, aux bons Juifs, Juifs de bon cœur. Alors, on a cette thèse-là qui, ici, se penche sur l'identité juive, et puis de cet état de victime qu'on joue et rejoue par rapport à l'Holocauste, et puis on se cache derrière ça pour commettre des actes des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Donc ça, c'est des faits. Et puis, écoutez, à un moment donné, il va falloir faire face à ce qui se passe. Et puis, il n'y a pas aucun État dans le monde, que ce soit le Pakistan, l'Inde, que ce soit le Japon, l'Allemagne, les États-Unis ou l'Israël, c'est la même maudite affaire. Il n'y a personne qui peut être au-dessus de la loi. Tout le monde doit respecter les lois internationales, ou sinon, on vit dans un monde chaotique et de barbares. Okay? Donc, c'est vraiment la situation. C'est comme ça que ça se passe. Alors, allez voir ça. La France qui s'est prononcée pour reconnaître l'État palestinien, c'est aussi un développement très majeur au niveau de la planète, là, qui est en train de se passer. La France qui a déclaré qu'elle va reconnaître un État indépendant et libre palestinien basé sur les frontières d'avant la guerre de 1967, devenant la première nation européenne à le faire. Ensuite, vous avez le reste de l'Europe qui s'est manifestée et a menacé de reconnaître l'État de palestinien. Ça, c'est un texte qui a été publié par le Daily Telegraph. Alors, vous avez un autre État ici qui parle de l'Union européenne qui est prête maintenant à reconnaître l'État palestinien. Vous avez une lettre des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui se sont dit prêts à reconnaître l'État palestinien au moment venu. Vous avez un texte de lettres de 26 anciens dirigeants européens qui parlent de pousser Israël à respecter la loi internationale. Quitte à exiger des sanctions contre Israël. Le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, maintenant qui se sont prononcés pour reconnaître l'État palestinien. Alors voilà des développements très, très positifs. Et quand je vous parle de fait, la semaine passée, je vous ai parlé que le Canada se sionise. Alors ça l'a. Vous voyez, là, ça a comme froissé des gens comme qu'on retrouve aux sceptiques du Québec, que je vous invite à aller visiter ces gens-là, aller tester, voir leur réception. Vous allez voir, c'est des gens qui sont d'un accueil très pauvre. Ces gens-là ont beaucoup de misère à accueillir les gens, même durant la crise du H1N1. J'ai des auditeurs et j'ai aussi des lecteurs qui me sont revenus et puis qui ont parlé de leur expérience, de comment ils ont été reçus, des gens qui cherchaient simplement à avoir leur opinion, se sont fait rire d'eux, se sont fait tourner de bord, traiter de toutes sortes de noms. Alors, des gens très déplaisants, allez voir ça réellement, ça vaut la peine d'aller les découvrir. Plus voir des gens qui vont savoir qui sont ces gens, ben mieux on va comprendre que cette organisation-là est peuplée de c'est une petite gang, finalement, c'est une petite clique, ça agit en meute. Alors, ils se lancent sur les gens qui arrivent là avec qui ils ne sont pas d'accord. Alors réellement, là, on exécute des gens là publiquement, tout simplement. Alors vraiment une organisation là de nounours, de tatas, mais qu'est-ce que vous voulez, je veux dire, des gens comme ça se tient en gang, ça se sent fort. Et puis moi, je les invitais librement à venir débattre. D'écrire des textes sur sans papier, aucune trace. Ces gens-là se sont lancés sur moi en grand nombre pour essayer de me faire la peau. Alors, moi, écoutez, là, j'ai d'autres choses à faire que perdre mon temps là. Ce que je leur ai dit, j'ai ouvert la porte, j'ai dit, écoutez, écrivez-moi personnellement. Je leur ai laissé mon adresse courriel pour que ces gens-là m'écrivent et puis qu'on puisse échanger de façon civile. Il n'y a personne qui s'est pointé. Alors, voilà, c'est comme ça qu'une meute de loups opère, c'est-à-dire que on reste sur notre territoire. Et puis, quand quelqu'un arrive pour disputer leur version, leur vision du monde, eh bien là, ils se lancent sur vous. Sauf qu'ils le font en gang. Individuellement, ces gens-là ne sont pas capables de se présenter. Aucune intégrité, aucun courage intellectuel. Et puis, vous avez les États-Unis qui, eux, bien évidemment, continuent d'être soumis au lobby israélien. Et puis, eux autres ont averti contre. La reconnaissance d'un État indépendant en Palestine. Alors ça, c'est le sous-secrétaire d'État William Burns qui est en visite en Amérique du Sud, qui a condamné les nations qui ont manifesté le désir de reconnaître l'État palestinien comme étant une nation indépendante, appelant ce mouvement comme étant prématuré et insistant que de telles reconnaissances seraient inacceptables jusqu'à temps qu'Israël accepte une solution de deux États. Alors, peut-être qu'un petit mémo serait important là, pour le sous-secrétaire d'État William Burns, qui souffre d'amnésie sélective. Alors, c'est précisément de cette façon qu'Israël s'est déclaré comme étant une nation indépendante. Alors, comment ça se fait qu'Israël aurait le droit d'avoir ce droit-là, mais pas la Palestine? Comprenez? C'est une question de deux poids, deux mesures à laquelle on assiste tout le temps dans ce dossier-là. Vous avez d'ailleurs la Chambre des représentants des États-Unis qui ont approuvé une augmentation de l'aide militaire à Israël. Alors, on a poussé ça. Écoutez, là, on est rendu à niveau de 3 milliards de dollars en aide militaire qu'on donne. C'est complètement débile. On a donné un bonus additionnel de 205 millions de dollars pour un système de missiles à courte portée. Alors voilà, donc on envoie des milliards de dollars vers Israël alors qu'on a les vétérans qui reviennent de la guerre qui dorment dans les rues aux États-Unis alors que aussi l'infrastructure est en train de s'effondrer. Et puis ben pour terminer, ben vous avez Stephen Harper qui accuse les Canadiens d'être des antisémites. Alors c'est pas compliqué là, je veux dire selon l'élite canadienne là, on est tous des antisémites de toute façon. Ça aussi là, c'est l'art de se dégager de ses responsabilités et de mettre la faute sur les autres, hein. Alors que Tel Aviv continue de se ficher de la communauté internationale en bafouant ses propres engagements auprès de l'autorité palestinienne, autorisant la construction de milliers de demeures sur le territoire occupé palestinien. On est en train d'essayer de reprendre Jérusalem. On a repris la construction illégale dans les colonies occupées. On a tout simplement évacué des gens de là-bas. Ça se poursuit, là, je veux dire, de façon éhontée. C'est incroyable. Les États-Unis ont même essayé de convaincre les États Israël de cesser l'expansion des colonies qui occupent en réalité là, des territoires palestiniens. On a essayé de les amadouer avec des avions militaires. Je crois que c'est des F-35, si j'ai pas de mémoire, là. Finalement, le deal est tombé à l'eau, mais écoutez, c'est tout le temps la même histoire. On essaie de les amadouer, là, ça fonctionne pas. Écoutez, on va leur donner des avions militaires pour essayer d'arrêter la construction pour 3 mois. Là, je veux dire, c'est complètement débile. Vous avez notre premier ministre canadien, Stephen Harper, qui revient sur sa défaite du vote à l'ONU quant au siège temporaire au Conseil de sécurité et en remet la totalité de la faute sur l'antisémitisme apparent des Canadiens, plus précisément des Québécois. Bon. Or, Stephen Harper ne peut que s'en prendre à lui-même puisqu'il a décidé qu'en 2006, en 2008 et 2010 de soutenir les atrocités commises par Israël, dont les crimes de guerre des plus atroces et des actes de terrorisme usant l'arme de destruction massive qu'on reprochait tant à Saddam Hussein de posséder, cela servant de prétexte pour envahir l'Irak et y perpétrer d'autres massacres d'innocents via la guerre, une guerre que défendait et Monsieur Harper du Parti conservateur canadien et Monsieur Ignatieff du Parti libéral canadien. Alors, c'est tous des gens qui sont carrément à genoux devant le lobby israélien. On a des crimes de guerre, des actes de terrorisme d'Israël au Liban aussi qui se sont produits en 2006, alors qu'on a eu une opération israélienne dans les territoires qui a tué plus de 1100 civils, dont une famille montréalaise sera complètement décimée. Pour ce faire, le Tsahal utilisera des armes de destruction massive dont la maniabilité ne permet pas de faire distinction entre combattants et civils. Elle accusera le Hezbollah d'avoir utilisé des civils comme bouclier humain, mais la police, à ce qu'on sait, ne tire pas sur les otages d'un preneur d'otages sous prétexte qu'il retient ses otages comme bouclier humain. Hein? Le Tsahal usera également de bombardements aveugles via les airs et l'artillerie de phosphore blanc, qui est une arme chimique défendue par les lois internationales. Utilisait des fins d'offensive, du napalm d'obus à uranium appauvri et de multiples armes dont la destruction était certes massive. Bref, le Liban sera dévasté, ses infrastructures détruites, ses civils meurtris. Aucune condamnation ne surviendra de la part de Stephen Harper, tout au contraire, offrant son plein soutien à l'État voyou en pleine infraction des droits internationaux et du droit humain en général. On a eu des crimes de guerre aussi, des actes terroristes israéliens qui ont été commis dans la bande de Gaza. La bande de Gaza qui est occupée. Les Palestiniens se sont habitués au martyr à la tyrannie de Tel Aviv, mais le 27 décembre 2008, le Tsahal décide d'envahir pleinement la bande de Gaza afin de mettre fin aux tirs de roquettes de Qassam, qui on doit les condamner, bien sûr. Mais écoutez, la réponse a été tellement disproportionnée, je veux dire, ça n'a aucun sens, la violence qui a été utilisée. Disons aussi, là, écoutez, les fameuses roquettes Qassam, on a pris quelques éléments israéliens, se les tirer eux-mêmes aussi en pleine gueule pour se justifier d'utiliser la violence contre la bande de Gaza. Donc, ça ne vient pas juste non plus des Palestiniens, OK? Donc, vous devez comprendre ça. Donc, on a utilisé des armes de destruction massive de divers calibres, dont le phosphore blanc, utilisé offensivement, qui sera comblé en crimes de guerre et en crimes contre l'humanité, retransmis d'ailleurs sur toutes les chaînes médiatiques du monde. Qu'importe ces primes prouvées sur vidéo, Stephen Harper, Premier ministre du Canada, donnera son plein appui à Israël, allant jusqu'à justifier ses meurtres de masse au nom du droit à la défense, ben ouais, terme employé par Tel Aviv pour désigner une telle attaque, entre guillemets. En fait, un peu plus, c'est le Premier ministre condamné les civils palestiniens de se trouver à travers la trajectoire des armes de destruction massive larguées par le Tsahal, conséquent qu'il est. Donc, on a eu des actes de piraterie aussi dans les eaux internationales. On s'en rappelle, en mai 2010, Israël n'a pas fini de faire jaser la communauté internationale et Stephen Harper non plus. Tel Aviv intercepte alors un convoi humanitaire dans les eaux internationales dont l'objectif avoué est de transpercer le blocus illégal maintenu. Et quand je dis blocus illégal, c'est reconnu par l'ONU et la communauté internationale. Donc, ça n'a rien d'antisémite là-dedans. On attaque évidemment les politiques complètement débiles de l'État d'Israël. Okay? Donc, essayez pas de mélanger ça avec l'antisémitisme et puis la haine du peuple juif. Okay? Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Vous avez une multitude d'organisations juives pour la paix aussi qui sont absolument contre ça. Et puis, nous faisons force et nous faisons marche commune avec ces gens-là. Donc, blocus illégal maintenu contre les Palestiniens déjà occupés par Israël. Donc, on a 9 hommes non armés qui périront et 26 autres seront blessés sur leur embarcation privée en eau internationale, laquelle sera saisie par les forces israéliennes pendant la nuit. Donc, au terme d'une enquête qui a été concluée, on apprend que 9 hommes furent assassinés d'une balle dans la nuque à bout portant. Okay? Alors, le convoi tentant de braver le blocus illégal d'Israël à l'endroit des Palestiniens se trouvait alors pourtant dans les eaux internationales, comme je le disais, à plus de 1000 nautiques des frontières palestiniennes. Pour l'occasion, Benjamin Netanyahou se trouve à Toronto et remercie ironiquement Stephen Harper d'être si fidèle à ses politiques. Il va sans dire que ses politiques n'auraient pas été acceptables pour la communauté internationale s'ils avaient été prises et tenues par Saddam Hussein, par Salvador Allende, Fidel Castro ou par Kim Jong-un. Hein? Elles n'ont pas l'avantage de l'impunité qu'Israël possède. Alors, voilà, donc c'est assez ironique toutes ces affaires-là. Vous avez Stephen Harper qui condamne les Canadiens d'antisémitisme, Stephen Harper qui condamne aussi Téhéran de vouloir se doter de l'arme nucléaire, et cela sans preuve, mais il ne condamne pas Israël de détenir ces mêmes armes nucléaires, alors que Tel Aviv ne cesse de repousser les agents de l'Agence internationale de l'énergie atomique hors de ses frontières et qu'elle refuse de signer le traité de non-prolifération nucléaire, bien sûr. Alors ça, c'est correct pour Israël, mais il faudrait blâmer l'Iran et même l'attaquer pour le contraire. Alors, hein, Israël qui pourtant bafoue tous les droits humains des nations bien souveraines versus l'Iran qui n'a pas engagé de réel combat depuis des décennies, c'est pas même, on peut remonter jusqu'à 200 ans, devrait être suspecté de poser problème en cas de détention de telles armes. Or, Stephen Harper fustige ses opposants de baigner dans l'antisémitisme puisqu'il dénonce les violations de l'État israélien. À titre d'exemple de contradiction, il est prouvé qu'Israël détient des armes nucléaires et d'autres types d'armes proscrites par les conventions signées de l'ONU par le Canada, mais il n'existe aucune preuve de la volonté réelle de Téhéran de vouloir se doter de telles abominations. Qu'importe les faits, Stephen Harper se fait conséquent avec ses principes. Il arrose l'Iran de sanctions sévères tout en serrant la main d'un État voyou fidèle à ses habitudes. Allez voir la carte, vous allez voir l'État palestinien au début du 20e siècle, puis au plan de partition en 1947, et puis après ça, 48 à 67, et jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir qui est en train de disparaître de la carte. C'est pas l'État israélien, c'est l'État palestinien qui est en train de fondre et de disparaître complètement de la carte. 80% du territoire qui est complètement disparu. N'est-ce pas absolument débile? Okay? Alors, antisémitisme au Canada et au Israël, M. Harper, hein, les sceptiques du Québec, eh bien, écoutez, il serait temps peut-être d'arrêter vos pleurnicharges en prétextant de critiquer les crimes de guerre et les crimes commis contre l'humanité par Israël et que cela n'est qu'un antisémitisme camouflé. Okay? Ça n'a rien à voir avec un antisémitisme camouflé, gang de sans-dessin. Okay. Or, serions-nous anti-gros si nous dénoncions un gros voleur se préparant à voler un dépanneur de ses croustilles et ses liqueurs? Absolument pas. Okay? Donc, autant d'exemples qui semblent ridicules, mais c'est exactement de ce type d'argument que se parlent des gens comme Stephen Harper et nos grands clowns, nos grands sans-dessin, pas sérieux du tout, le culte qui a lieu au site qui s'appelle les Sceptiques du Québec. Alors, hein, je refuse de me faire traiter d'antisémite parce que je dénonce des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité d'un État voyou, ne pouvant se justifier que par le soutien d'acolytes indifférents, voire complices de ces crimes. Stephen Harper peut bien ravaler sa propagande pro-israélienne et s'étouffer avec, ainsi que les sceptiques du Québec, ainsi que les sceptiques du Québec. Je l'accuse ici même et publiquement de soutenir les actes terroristes d'un État voyou qui détient de plus l'arme nucléaire sans avoir déclaré celle-ci à l'Agence internationale de l'énergie atomique et sans avoir signé le traité de non-prolifération nucléaire. Alors, les Canadiens, les Québécois qui dénoncent les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par l'État hébreu ne deviennent donc pas antisémites. Ce n'est que de la base politique, de la propagande populiste crasse qui mérite toutefois qu'on s'y attarde. Il faudra penser à faire enfermer les terroristes de notre versant un de ces jours. Stephen Harper, quant à moi, mérite la prison pour support au terrorisme étatique d'Israël. Il pourra bien narguer ce qu'il voudra devant le tribunal international ainsi que les sans-dessins qui traînent au site des sceptiques du Québec. Alors, le Canada qui est en train de verser, qui est en train de tomber du côté noir de la force, c'est absolument triste de voir ça. On se demande si le premier ministre est même sain mentalement. Okay? On a un sérieux problème. Allez trouver tous les articles à propos de ça. C'est pas mal tout. Écoutez, vous avez un autre article ici là, qui parle justement des documents qui prouvent qu'on a des. Écoutez, c'est complètement débile. Le gouvernement israélien, c'est des documents qui ont été forcés d'être rendus publics par une organisation des droits humains israélienne. Okay? Alors, merci à eux quand je vous dis qu'on n'est pas des antisémites ici. C'est une organisation pour les droits humains israéliennes. Okay? Des gens courageux qui se sont battus, qui ont mené une bataille légale et qui ont réussi à forcer le gouvernement israélien à rendre public des documents qui montrent une politique délibérée du gouvernement israélien de régler le nombre de la quantité de nourriture qui se rend à Gaza pour maintenir la population de Gaza dans un état froidement calculé à la frontière de la famine. Alors, on les maintient juste sur la frontière de la famine, OK? Alors, parlez-moi d'une punition collective, un crime contre l'humanité, un crime de guerre grave qui montre une politique de garder les Palestiniens à des niveaux avoisinant la famine. Okay? Alors, voilà un autre composant de la solution finale israélienne pour éliminer les Palestiniens de la bande de Gaza. Voilà, c'est tout pour nous là, cette semaine. Et puis, on se retrouve dans 3 semaines. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes.